22h13, c'est Marion et Anso, on est ensemble sur Fun Radio. Bonnes vacances à tous ceux qui sont en vacances là, qui profitent. Dites-nous sur les réseaux sociaux ce que vous faites, si vous glandez, si vous sortez, si vous vous ambiancez dans la voiture. On a envie de savoir, on va vous lire. Amir est là pour ça. Est-ce qu'il a posté son mail? D'accord, donc du coup, le gars est un mytho. Pour réagir à l'émission, c'est hashtag de la show. N'hésitez pas. Et bientôt 100 000 sur le compte YouTube Marion Enzo. T'as pas honte de mentir comme ça à la France? Ok, il y a quelques. Non, il m'a dit. C'est un pote qui m'a dit en fait, peut-être que tu pourrais mixer dans des boîtes genre disco, tout ça. Voilà. D'accord, bien, merci beaucoup. Bon, on est au téléphone avec Nina de Lille là, qui nous a appelé au 01 42 48 5000. Elle a bien fait parce que c'est gratuit. Puis en plus, on vous rappelle après. Bah oui. Nina, bonsoir. Salut Marion et tout. Ça va, Nina? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, chérie? Alors, en fait, cet été, je pars en vacances avec mes parents en camping et j'arrive pas à me faire des potes. Est-ce que vous pourriez me dire des conseils T'es mignonne. C'est-à-dire que chaque été, tu pars avec tes parents en camping, tout ça, et chaque été, c'est la même merde. Tu peux pas te faire des potes. Ouais. T'es timide un peu? Oui. Mais ça s'entend un peu. Mais est-ce que dans le camping où tu vas, il y a beaucoup de jeunes? Parce que parfois, pour peu que tu tombes sur un camping de Yeuve, c'est relou, quoi. Ouais, quand même. Mais alors, est-ce que les gens viennent vers toi? Comment ça se passe? Est-ce que tes parents te sortent un peu? Est-ce que t'as le droit déjà d'aller aux soirées du camping, tout ça? Ouais, j'y vais, mais avec mes parents. Ah, c'est pas facile avec les parents en même temps pour rencontrer des gens. Non, mais surtout que dans un camping, ça craint pas trop non plus. T'as 15 ans, ça va quoi. Bon. Anso nous disait qu'elle avait une technique formidable, qu'elle avait tenté un truc. Tu peux le raconter là? Alors j'ai tenté, mais Nina, elle est peut-être un peu jeune pour ça. Mais une fois, je suis allée dans un camping. C'était avec Christina, l'équipe de Bruno dans la radio. Et on a fait l'élection de Miss Camping. Oui. Et j'avais décidé de le faire de manière un peu décalée. Et j'ai fait un défilé en maillot de bain en PQ. En papier Attends, toilette. T'étais habillée en papier toilette. Ouais, et ben je peux vous dire que ça a fait mouche. Eh ouais, mon pote. Mouche à merde. Ouais, c'est clair. Mais t'as pas été élue? Non, si, j'ai été élue deuxième. Christina était devant moi avec des poches plastiques de supermarché. D'accord. Ouais, les élections comme ça de Miss Camping, tout ça, Nina, on est d'accord, ça te chauffe pas? Non. Bah, je m'en doutais, bichette. Mais t'inquiète pas, tu sais quoi, tu restes là. Moi, je vais te trouver de vrais conseils sympathiques. Oh, avec les auditeurs, la 01 40 48 5000. J'ai failli l'avaler, ce 42, tiens. Il est pas sorti, t'as vu ou pas? 42. Bougez pas, je retrouve mes mots, mes chiffres, tout ça, et puis on revient, quoi. People of Tomorrow. Fun Radio vous envoie au plus grand festival. Tomorrowland. Tomorrowland. Salut, c'est David Guetta. Hey, this is Dimitri Vegas and like Mike. Rendez-vous. See you at Tomorrowland. Dès que vous entendez Dimitri Vegas and like Mike, mixé avec David Guetta. Soyez le plus rapide à appeler Fun Radio. 3228. Et vous partez pour 3 jours de fête à Tomorrowland. Tomorrowland, how are you feeling? La radio des DJs et des meilleurs festivals. This is Fun Radio. 3228, service payant 50 centimes d'euros par minute plus prix d'un appel. Lucas, j'ai dit pas de portable à table. Non mais je te le dis, on nous ment. Tout ça, c'est un coup des services secrets, je le sais, je l'ai lu sur Internet. Et moi, on m'a parlé des Illuminati, tu connais? Non. C'est une société secrète qui dirige le monde, ils sont partout, il paraît. Mais n'importe quoi, vous avez des preuves? C'est quoi vos sources? Lucas? Papa, maman, faut pas croire tout ce qu'on entend. Hein. Théorie, rumeur, complot, prenons du recul et vérifions toujours l'info. Retrouvez comment distinguer le vrai du faux sur ontemanipule.fr. Fun Radio et Litchi vous aident à réaliser tous vos projets. Vous organisez des vacances, un anniversaire ou vous avez tout simplement un projet personnel. Créez votre cagnotte Litchi dès maintenant et rendez-vous sur la page Facebook Fun Radio. Pour tenter de gagner jusqu'à 1000 euros. Litchi.com, la cagnotte en ligne de référence, gratuite et sécurisée pour organiser toutes vos dépenses à plusieurs. Yeah. The Night Show. Avec Marion et Anso. The Night Show. 22h minuit sur Fun Radio. Oui, c'est nous, on est en direct, on passe la soirée ensemble. Et là, il faut qu'on aide Nina. Nina, elle part en camping cet été avec ses parents et elle a du mal à se faire des copains. Du coup, elle s'ennuie un peu en vacances. Donc, qu'est-ce qu'elle peut faire là pour se faire des potes, des relations? 01 42 48 100 000. On prend tous les conseils. T'es toujours là, ma Nina? Oui. Bon, déjà, il faudrait peut-être que tu te relaxes un peu parce que je te sens hyper timide, hyper sur la réserve, tout ça. Et à mon avis, t'es pas du genre à te lâcher en vacances, tu vois? Est-ce que tu pars un petit peu comme ça, fermé sur toi-même, qui fait la gueule tout le temps? Est-ce qu'il faudrait pas que tu sois un peu plus souriante et tout? Ah, je fais jamais la gueule. Bon, alors ça va déjà, c'est bien. Mais y'a pas des trucs, y'a bien des trucs. C'est un grand camping dans lequel tu vas ou pas, Nina? Ouais, quand même. Ouais, donc il y a bien des trucs qui doivent être organisés pour les ados, tu vois. Je sais pas, moi, des teufs d'après-midi ou des teufs de début de soirée, tu vois. Bah, carrément, moi, des trucs à la piscine. Oui, mais après, elle n'arrive pas à aller vers les autres. Bois. Non, le vieux conseil de merde. Bon, on a du monde pour toi, Nina, et même dans l'équipe, là, ils ont réfléchi. Ça va bien se passer, on va trouver une solution, ok? On a Clément de Tours, là, qui est avec nous. Bonsoir, Clément. Salut Marion, salut Enzo, salut l'équipe, ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là! Alors, dis-nous, Clem, qu'est-ce que tu lui conseilles? Bah, écoute, moi, personnellement, je vais en camping, bah, dans le même camping depuis que j'ai 11 mois. Ouais. Et moi personnellement, à chaque fois je me fais des nouveaux potes, tu vois. À chaque fois, comme tu disais, je vais vers eux quand il y a des soirées et tout, on va sur la plage et puis on s'éclate tout le temps ensemble, tu vois. C'est bah ouais, c'est ça. C'est le but de l'esprit camping, tu vois. C'est ouais, mais toi t'arrives à aller vers eux, tu vois. Bah même trois quarts du temps, enfin c'est souvent que c'est eux qui viennent vers toi. Ouais, mais en fait Clément, je me mets à la place de Nina. Comment elle fait? Elle voit un groupe de genre de 5-6 nanas. Ouais. 5-6 nanas mecs là qui sont en train de discuter. Comment elle fait pour les aborder? Elle arrive, elle fait bonjour, je m'appelle Nina, j'ai pas d'amis. Bah non. Non. Alors comment? Mais non, tu dis pas j'ai pas d'amis. Bah tu dis quoi? Bah je sais pas, tu vas vers eux, tu lui dis salut, je peux me rester dans votre groupe, tu vois. Enfin, oui pas, c'est vrai. Tout simplement, vous faites quoi? Vous avez prévu quoi cet après-midi? Je peux ouais. traîner avec ouais, vous ouais, quoi. Ouais c'est vrai, Nina, vas-y en détente, en mode ça vous dit d'aller à la plage? Bon bah s'ils disent non. Bah tu leur proposes une piscine. Mais s'ils te disent non, bah tu fuis. Moi dis-toi, c'est là-bas que j'ai rencontré ma copine quoi. Ah, belle j'ai rencontre. J'ai ma copine, mon meilleur ami. C'est vrai qu'en vacances tu fais des belles rencontres. Oui c'est vrai, mais toi ouais, t'en as fait une belle rencontre toi. Bah moi ma première fois c'était en vacances hein. C'était avec un amour de jeunesse. Et je l'avais rencontré à la Baule parce que j'allais tous les étés là-bas. Et du coup c'était hyper kiffant. Tous mes mecs je les avais là-bas, c'est-à-dire j'en avais pas l'année. Par contre l'été ça se passait bien. T'as couché avec lui au club Mickey hein, c'est ça? Oui c'est ça, mais il n'y avait pas d'enfants je précise hein. C'était la nuit, tout allait bien. On était dans la légalité globalement ouais. Mais ouais non c'est sûr, les rencontres de vacances c'est les meilleures. Mais il faut aller vers les gens, faut pas hésiter en fait. Et tu vas où au camping toi Clément? Moi je vais au Sérignan-Plage, à Sérignan-Plage. D'accord, c'est ouais. où ça? C'est vers Béziers, Montpellier, etc. Sympa, dans les c'est chaud. Ça c'est sympathique, c'est bah, ça. Kiffe ah, bien, là, connaît, kiffe bien cette année, d'accord. Merci, je peux faire une dédie? Oui. Bien sûr. Bah, dédie à Léa, Vincent, Estelle et au camping de Sérignan-Plage. Ça marche, on embrasse tout le monde. Bisous ah, Clément. Salut poteau. Bisous le Clem. Nina, c'est pas bête quand même hein, d'aller les voir comme ça et de dire ça vous dit pas de faire quelque chose ou tiens, ça vous dérange si je viens avec vous. Amène-leur une petite collation. Hein. Ça marche toujours, un cake par exemple. Ça peut être pas mal. Un cake. Il y a Léa aussi de Paris qui nous a appelé. Bonsoir Léa. Salut Marion, salut Anso et toute l'équipe. Salut. Ça va Léa? Oui et toi? Bah ouais, très bien. On t'écoute chérie. Toi, est-ce que t'as fait des belles rencontres comme ça pendant les vacances ou est-ce que t'as un conseil pour Nina? Alors, moi j'ai un conseil et j'ai une rencontre. J'ai rencontré une amie en vacances en jouant au ping-pong avec tout le monde. Mm-hmm. Et on est devenus super super amis. Et mes parents ont décidé de déménager, d'aller habiter dans la même ville qu'eux pour aller à la même école et au même collège qu'eux. Et on est dans la même classe et on est toujours super proches. Ah bah c'est mignon. Ah oui, c'est psychopathe peut-être. Mais alors, est-ce que tu avais un conseil pour Nina? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour s'intégrer avec les autres? Bah moi, ça fait 7 ans que je vais au même camping, donc j'ai toujours les mêmes amis. Ouais. Mais pour les avoir, je vais jouer souvent au ping-pong. Et puis quand il y a des activités, je vais toutes les faire, comme je suis très sportive. Et je bouge tout le temps avec tout le monde, avec mon frère, mes cousins. On va partout et on rencontre plein de monde, donc c'est ce qui est cool. Ça, c'est pas bête. Nina, t'as pas des frères et sœurs? Non. Ah, ah compliqué. Ouais. Et le ping-pong, t'aimes bien? Pas trop. Ouais, mais le sport et tout, les activités comme ça, c'est vraiment le meilleur plan. Faudrait faire un coup d'acrobranche, t'enlèves un peu ton baudrier, hop, accident, les gens ont pitié de toi, ils deviennent tes potes, quoi. Pas faux. Ça, c'est pas bête. Puis c'est dangereux, en plus. Ouais, tout à fait. Nana complètement malsaine. Bon, bah merci, chérie Léa, de nous avoir appelés, c'était des bonnes idées. Je peux avoir un pack fun et faire une dédicace? Allez, fonce. Je fais une dédicace à ma meilleure amie, à ma sœur de cœur et à Serge qui m'écoute sûrement et qui vous kiffe. Serge? Il a quel âge ce Serge? Eh ben, il a mon âge, il a 14 ans aussi. Wow. Salut toi. Serge, mais s'il pourquoi veut s'il veut nous appeler, qu'il n'hésite pas. Hein. Mais ouais, mais même ses parents, moi j'aimerais bien comprendre comment on peut appeler un enfant Serge. Ses parents, ils s'appellent comment? J'en ai aucune idée, non, mais les gars, arrêtez, y a les vieux prénoms reviennent vachement à la mode. Et il a des frères et sœurs, Serge? Régis, je pense. Non, il a pas de frères et sœurs? Si, là, je crois un frère et une sœur, je sais pas. Tu connais pas les prénoms? Non. Bon, bah écoute, embrasse-le et dis-lui quand même de nous donner les prénoms, là, qu'on se marre un peu. Hein. D'accord. On t'embrasse très fort, Maléa. Merci de nous avoir appelé, chérie. Bisous. Le pauvre Serge. On est sur une petite violence quand même. En plus, il s'est pris une dédicace, il est trop content. Et puis, bah là. On t'embrasse, Sergio. Sergio, voilà. Big up, Sergio. Ça vient, voilà. Sergio. Les garçons dans l'équipe, est-ce que vous avez des idées, vous, pour Nina, pour qu'elle puisse se faire des potes et tout ça? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Amir des réseaux sociaux. Bah, moi, souvent, quand ça m'arrivait, enfin, quand j'avais la chance d'aller là-bas, souvent, je jouais au foot, en fait. Et puis, du coup, bah, tu parles avec tout le monde et puis, ouais, tu fais des potes. Le sport, c'est pas mal, en fait. Hein. C'est ouais, vraiment la bonne idée. Hein. Mais ouais, tu joues vraiment au foot, toi? Quand on fait des vidéos sur YouTube, ouais. Bah oui, mais... ouais, j'ai vu son niveau de foot, quoi. À quel moment tu jouais au foot au camping? Non, mais si, au camping, je jouais beaucoup au foot, mais uh-huh, j'étais goal. Ah, c'est ça, la bonne place. Et vu que c'est les petits terrains de foot, c'est pas les cages des grands terrains, tu sais. D'accord. Ouais, ouais. C'est comme moi, ouais. Moi, j'étais remplaçante, quoi. Et je jouais au foot, quoi. Ouais, mais toi, tu jouais jamais, toi, c'est pas pareil. Mano, une idée ou pas? Bah ouais, moi, je dirais participer aux activités du camping. Et il n'y a pas que du sport dans les activités proposées. Bah, il y a quoi? Bah, genre, ah oui, pas, tu crées la danse de l'été du camping, il y a plein de trucs comme non, ça. Non, enfin, Nina, elle est hyper timide, qu'est-ce que tu veux qu'elle se transforme mais en non, mais, chorégraphe? Mais il a raison, il y a les balles aux prisonniers, que... les tennis, il y a plein d'activités ouais, à faire. Tournante, gangbang. Oh mec! Ah, la violence du gars! Non, évidemment, Nina, pas tout ça, mais c'est vrai que le sport, c'est pas mal. Le sport, c'est faire pas mal. Les activités ouais, du camping, c'est bien. Il y a Elodie de Marseille aussi qui est avec nous. Bonsoir, Elodie. Bonsoir, ça va? Oui, ça va et toi? Oui, ça va super. Bon, t'as 20 piges, toi? Ouais, c'est ça. Raconte-nous. Bah, en fait, quand j'étais petite, quand j'avais 8-9 ans, je suis partie au Maroc, à Marrakech. Ouais. Et j'ai rencontré une pote, enfin une fille qui est devenue pote avec moi. Mm-hmm. On a resté toute la semaine de vacances ensemble et tout. Et après, quand on est rentré sur Marseille, et ben, on a continué de devenir amies. On est devenues meilleures amies. Mais aujourd'hui, on s'est perdu de vue. Ah bah c'est ça l'histoire. Tout ça pour ça. Voilà. D'accord, donc c'est une histoire qui a mal tourné, quoi. Et aujourd'hui, on se hait. Non, mais non, on n'a plus de nouvelles, quoi. Bah en même temps, avec la distance, c'est un peu compliqué de rencontrer des gens qui sont loin comme ça et de garder des ouais, liens. C'est vrai, c'est pas non, facile. Non, mais elle était de la même ville que moi. D'accord. Ah, bon, bah, elle peut plutôt saquer, donc. Hein. Je sais pas, peut-être. Ouais, mais voilà, c'est ça les vacances aussi. En général, tu gardes pas forcément toujours contact très longtemps, mais c'est sympa, tu vis les moments intensément, quoi. C'est ça, ouais. Et t'as un petit conseil pour Nina éventuellement ou pas? Je sais pas. Bon. Tu peux me dire non, hein, y a pas de soucis. Non, j'ai pas. D'accord, bah on t'embrasse alors. Mais moi aussi. Bisous. Bisous, Elodie. Amir sur les réseaux ouais, sociaux, est-ce qu'on a de la réac? Et comment? Il y a Lisa Lebon qui dit. Ah non, c'est pas elle. Il y a Tracy Herm qui dit elle peut proposer à un groupe d'organiser une soirée. Ouais. Dédicace à Magali et Anaïs. Ça, c'est pas bête, hein. Ouais, ça marche. Hein. Il y a MyMy62, allez poser une question avec aucun rapport. Ouais. Codema, aller vers les gens et parler. Fist and Furious. Qui propose une boîte à partouze, mais un peu. Ah non. Ouais. Alex, il y a Alex la petite. Bah, moi, je demande à mes parents, ils me laissent toute seule et hop, je m'amuse. Ouais. @06, allez demander aux gens, tu veux être mon ami? Ah non, ça c'est nul. Quelle angoisse. Et puis Hugues, 4630, moi je glande, je joue, je bouffe et j'écoute Marion et Anso jusqu'à minuit. Ouais, mais est-ce que tu te fais des potes en nous écoutant? C'est pas sûr. Et si, peut-être, si tu mets à fond. Ah ouais, ou alors sur. Ouais, oui, mais si. Bon, mais bon, les gars, dépêchez-vous de partir en vacances. Parce non, mais... non, mais au pire, tu te poses dans un coin, tu prends ton téléphone ou si t'es une enceinte Bluetooth et puis bim, tu mets un podcast de l'émission. Puis peut-être que quelqu'un connaît l'émission et là, tu te fais des podcasts. Ouais, ouais, c'est ouais, pas bête. Franchement. Pas bête. Ouais. Est-ce qu'on demande à Pépère s'il a un conseil, un truc? Ouais. Pépère, dis-nous. Bah, moi, je conseille les brochettes. Oui, c'est vrai qu'un barbecue, ça peut le faire. Bah, non, pas ça, en fait. Je sors ma bite et je cours dans le camping pour embrocher le plus de personnes possible. Et ouais. Mec, t'abuses. Mais le mieux, c'est que je tombe devant une école, c'est mieux ça. Ouais. D'accord, c'est bon, ça. Sur un chat. Non, Pépère. Bah, c'est rien, je leur donne des bons becs. Hein. C'est pas possible, ouais, mais avec quoi? Quelle horreur. Allez, restez avec nous. On a perdu Nina, on n'arrive plus à la récupérer. Ouais. Elle doit passer sous un tunnel. Oh, elle a raccroché? Bah, oui, on va la récupérer. Vous essayez de la récupérer au standard? Oui, ouais, on va lui dire un petit au revoir tout à l'heure. Bougez pas, la 01 42 48 5000 dans un instant sur Fun Radio. C'est Fun, un incroyable talent qui va débarquer. Et puis pour faire de la radio avec nous, bah c'est le numéro que je viens de vous citer. Alors si vous êtes plus branché, par exemple, tout ce qui est mail et nouvelles technologies, et ben Marion et anne-soir@funradio.fr, ça marche. Nina, t'es là, ma chérie? Oui. Et bah, tu sais quoi, on t'embrasse très très fort. Et surtout, tu nous tiens au courant. Hein, d'accord. Okay. Allez, bisous, fais-toi des potes. Ouais. Bisous Lina, c'est notre championne. Ciao. Bisous ma belle. On fait un petit un point sur l'euro quand même. Hein. L'Angleterre a toujours mené 2-1 par l'Islande. J'ai parié que l'Islande allait gagner. Si Marion perd, elle devra ambiancer un inconnu. On se retrouve après David Guetta sur Fun. Soir là, du dimanche au jeudi en direct sur Fun Radio, c'est Marion et Anso, le Night Show. Et comme je suis fan de Rihanna, cette info ne m'a pas échappé. Cette info qui est tombée aujourd'hui. Oui. Rihanna nous a parlé de son titre qu'elle a fait pour le film Star Trek Beyond qui sortira le 22 juillet prochain. Je l'ai écouté, je trouve ça pas mal. Écoutez. En fait, ça fait planer, quoi. Voilà. On est toujours sur un délire de chansons de film, quoi. Ça fait un peu penser à Adèle, là, qu'elle nous avait fait pour les pistolets, là, Agent Secret, là, James Bond. Skyfall. Skyfall, ça, merci. Sa voix, elle est hyper en valeur sur ce titre. Ouais. Et ce titre a été écrit avec Sia. Eh ben. Bah, ça m'étonne pas, tu vois, on reconnaît un peu la marque, ouais. Sia, je trouve. Comme Diamonds. Et donc le titre s'appelle Selge Hammer. Donc elle a décidé de faire chier tous les animateurs. Oh cette merde planète. Comment tu vas annoncer ça? Alors Selge Hammer ou Selge Hammer, je sais pas comment on dit. Selge Hammer tout de suite sur Fun Radio. Voilà, Selge Hammer. Fun. Fun Radio. Un incroyable talent. Voilà, si vous avez des talents d'interprète éventuellement, bah c'est le moment de vous inscrire. Marion et Anne-Sor@funradio.fr. On prend aussi tous les autres talents. On n'est pas bien regardant. Voilà. C'est la dernière semaine. Donc si vous voulez chanter, jouer de la musique, raconter des blagues, faire des imitations, faire des claquettes, n'importe, inscrivez-vous. On se marre ensemble. Et si jamais bah, vous êtes bon, vous venez tout frais payer dans les studios. Ou si vous êtes mime aussi, hein, ça peut marcher. Tais-toi. Il y a Théo Decan qui est avec nous. Bonsoir Théo. Salut Marion, salut Anto, salut tout le monde. Salut. Ça va Théo? Ça va la forme et vous? Ouais, ça fait plaisir de t'avoir, t'as l'air d'être sympa. Bah, je suis sympa, ouais. Je suis un mec drôle, j'adore le voir. Est-ce que tes amis te trouvent sympa? Ouais, ouais, ça va, ils aiment bien, ouais. Ouais. Bon. Bon, et c'est quoi ton talent Théo? Ah, moi je fais des blagues, moi. Ah, un humoriste. Ah, je suis un grand blagueur. D'accord. Tu fais des blagues, genre des blagues que t'as entendues à la radio, que t'as lues, tout ça, ou tu en as inventé? Ah, un peu des deux, quoi. Il y en a que je trouve, il y en a que j'invente. Alors, tu sais que la plupart du temps, quand on a des talents comme ça d'humoriste, ça finit souvent en catastrophe. Hein. Ouais. On est rarement convaincu par les blagues. Une c'est farandole de noms, quoi. Bah, ouais. À la radio, les blagues et tout, c'est compliqué. Mais bon, peut-être qu'on va être surpris ce soir. Est-ce que t'as prévu plusieurs blagues, un sketch? Comment ça se passe? Ouais, j'ai quelques petites blagues, là j'en ai plusieurs à vous donner, ouais. Bon, et bah écoute, vas-y, on t'écoute, on commence avec la première. Pourquoi Bruce Lee a les dents propres? Bruce Lee? Parce qu'il se brousse les dents. Est-ce qu'il se brousse les dents? Elle était bien celle-là. Ah, celle-là, moi j'aime bien. C'est pour moi. Je me suis brousse les dents. Vous êtes vraiment bon public, hein. En plus, ça marche pas, elle dit je me suis brousse les dents, non. Ça marche pas. Hein. Ok, bon, à la limite, quoi d'autre? Que fait un zoophile avant de courir? Avant de courir? Attention, il prend son élan. D'accord. Ouais, c'est vrai. Bon, en revanche, Théo, je préfère tout prévenir. Hein, surtout ce qui est zoophilie, les vannes un peu touchy, on évite. Hein. Ouais, on n'est pas dessus. Hein. C'est pas notre créneau. C'est pas notre créneau. Ok, ça marche. Ok, next. Next, allez. Un prof de classe agité dit baisser d'un ton. Et Toto, il répond on peut pas baisser d'une sardine plutôt? Elle était bien celle-là. Vous voulez pas qu'on vote tout de suite? Non, mais c'est une catastrophe. Ouais. Baisser d'un ton. Allez, une autre. Vous voulez pas qu'on baisse d'une sardine? C'est dur, hein? C'est dur. Une autre, Théo. Je suis gêné. Allez. Une autre. Comment une blonde tue-t-elle un oiseau? Alors, attention, mec. Je suis blonde déjà, donc ça va pas me plaire. Comment elle tue un oiseau? Comment je tue un oiseau? Je sais pas. Que je jette d'une falaise. D'accord. Je suis très gênée, Théo. Hein. Je suis absolument gênée. En fait, ce qui m'épate, c'est que t'as réussi à passer le standard. Tu vois, que le standard a jugé ton talent assez haut niveau pour venir dans cette émission et qu'on en est là. Et d'ailleurs, j'aimerais qu'on regarde tous Enzo parce que la personne est rouge et gênée. Enzo, ça t'a fait rire, ça? Moi, franchement, je trouve qu'il est talentueux. Mais mec, c'est drôle. Mais c'est drôle. Est-ce que t'en as une autre, Théo? Allez, une petite dernière. Allez, la plus trash, la plus drôle, la plus sympa. Hein. Allez, que font deux brosses à dents le 14 juillet? Que font deux brosses à dents le 14 juillet? Je l'ai. Je sais pas. Attends, alors ne nous dis pas la réponse tout de suite. Mano, si tu l'as, préviens-nous, jauge la vanne. Est-ce que ça va nous plaire, ça va pas nous plaire? Mais c'est... Bah, Anso, tu vas rigoler, mais c'est est-ce que t'es merde, conne? Mais non, c'est ça. Mais non, mais bon. Bon, vas-y, tente-la. Un feu dentifrice. Un feu dentifrice. C'est quand même hyper tiré par les cheveux. Bah, j'ai pas compris pourquoi. Bah, un feu d'artifice, un feu dentifrice. Ouais. Attends, c'était ça que t'as jugé la meilleure, quoi. Ouais, c'est pas mal, ça me plaît. D'accord. Bien, ouais. Bon, bah, t'as de la chance d'être sympa, en tout cas, parce que. En vrai, tu nous disais que tes potes te trouvaient drôle et sympa. Je te le dis, ils te trouvent juste sympa. Hein. Oui, c'est ça, hein. On s'arrête là. Peut-être faux cul aussi, peut-être. Bon, en tout cas, c'est cool de nous avoir appelés. On ne sait jamais, peut-être que sur un élan comme ça, de folie de l'équipe, tu vas venir te faire payer dans les studios. Je croyais que t'allais même éliminer les votes, moi. Non, c'est la règle du jeu. On vote. Vas-y. Enzo. Oui. Un mec Manuel. Mais jamais de la vie, hein. Ami. Jamais. Anso. Oh, c'est un nom, mais de bonheur. Marion. Non, clairement pas. Ah non, désolé. Enzo, excuse-nous là. Ouais. Tu voulais essayer de rattraper ton taf de merde en te disant monsieur, le gars est bon. Non. Moi, je juge le talent. Il est humoriste. Moi, j'ai. Oh là là. Mais humoriste, tu crées tes propres vannes. Ah oui, mais il en a créé une. Hein. Laquelle? Bah, celle de la blonde, il m'a dit. N'importe quoi. Bah. Tu l'as créée, celle de la blonde? Ouais, c'est moi. Attends, tu sais quoi, je vais aller voir sur internet. Ouais. Je vais taper oiseau falaise blonde et on va voir si tu es un gros mytho ou pas. Et là, Enzo est en train de se sentir très mal, hein, je vous le dis. Il n'est pas bien. Alors attendez, blague. Je tape en même temps. Oiseau blonde. Ah non, mais il faut élucider ce mystère. Falaise. Alors déjà, il y a des recherches qui le trouvent. Attendez, je vais me rattraper, j'en ai une autre. Ah bah oui, comment une blonde tutelle un oiseau? Elle le jette d'une falaise, c'est la première qu'on trouve sur Wikipédia. Attends, il en a une autre. Vas-y. J'en ai une autre. Que fait un zizi sur la glace? Que fait un zizi sur la glace? Un DJ, non? Un DJ. Un quoi? Un DJ? Ouais. Un DJ. Un DJ ou un zizi? Ah ouais, c'est différent. Non, un DJ. Ah, un DJ. Je sais pas. Il platine. Ouais. Bon, ben, on va se rendre compte, Théo. <Ouais, c'est... rire> Adieu, ne reviens jamais. C'est terrible. C'est dommage, je devrais en faire des places. Je viens la comprendre. Franchement, quoi. C'est que du jeu de mots. Bon, Théo, on t'embrasse. Merci quand même d'avoir appelé, ok? Ah, merci à vous, gros bisous. On t'embrasse, là, pareil, on t'envoie tout ce qui est école d'humour. Bisous. Ouais. Salut, Théo. Ciao. Continuez à vous inscrire, on veut du vrai talent, là, pour la dernière semaine. Marion et Anne@funradio.fr. Et c'est le même mail qu'a fait Joseph. Joseph, c'est un bœuf. Il a 13 piges et il nous a demandé comment perdre ses petites poignées d'amour avant l'été. Bah oui, parce qu'il a envie de rencontrer de la fille. Il a 13 ans, il sait pas comment faire. Du coup, on va l'aider si vous avez des techniques pour maigrir, pour fondre comme ça. 01 42 48 5000. Anso, elle a perdu beaucoup de kilos, t'en as toi? Oui, oui, j'ai des techniques, oui. Et des kilos. Tu nous dis tout juste après Cachemire, sur Fun. I come around the turn and people stop and stare. I'll make a killing from this change. Snake eyes and sevens, you can feel it in the air. You see your fortune and your fame. Wanna take a spin? Face à l'Angleterre, ça pue pour moi et mon défi, puisque je vous rappelle que j'ai misé sur l'Angleterre, Anso sur l'Islande là, pour le prochain match contre la France. Et clairement, le gage, c'est d'appeler quelqu'un au hasard en France et d'ambiancer la personne à base de chants de supporters et tout. Ouais. Ça pue pour moi. Hein. Ouais, je pense que plus, clairement, là. Il n'y a que des actions islandaises, là, j'ai vu, donc c'est la merde. Et alors, c'est marrant, vous avez remarqué sur les réseaux sociaux, en tout cas, moi, tous mes potes sont pour l'Islande, alors qu'ils étaient tous pour l'Angleterre cet après-midi. C'est comme quoi ils sont tous pour les gagnants, en fait. Oui, c'est ça, évidemment. C'est l'être humain, c'est comme ça. Franchement, ce serait beau que l'Islande gagne. Hein. Personne ne voyait l'Islande gagner. Exactement. Et moi, je pense que là, on est sur un France-Islande. C'est quand le match est ce dimanche? Dimanche. À quelle heure? 21h. On sera plus là. On va pouvoir mater une heure, quoi. Bah non, on sera plus là. C'est les vacances, Michon. Vous avez vu comment je suis. Ouais, on a vu. On est avec Joseph au téléphone de Paris. Bonsoir, Joseph. Salut Marion, salut Anso, salut toute l'équipe, ça va? Ça va et toi? Ouais. Oh, qu'est-ce qui bah, se passe? En fait, j'ai juste des petites poignées d'amour. Et puis, bah, ça me dérange sur la plage et puis tout ça pour draguer. Oh, t'es trop mignon de Bert, hein? Oui, mais Joseph, à 13 ans, tu dragues déjà? Bah ouais. Bah à 13 ans c'est normal, t'es en maillot de bain comme ça, tu lances des petits regards et tout. Bah si Anso. Bah non, à 13 ans je draguais pas hein. Bah toi c'est toi, mais à 13 ans maintenant on peut au moins s'intéresser, tu vois. Oui oui, non mais je comprends, après je peux comprendre que tu puisses être complexé par exemple. Pas grave. Pour draguer, mais je peux comprendre que tu puisses être complexé. Mais quand tu dis poignée d'amour, c'est-à-dire que, est-ce que par exemple t'es un peu fort de partout ou t'es tout mince mais t'as des petites hanches, comment ça se passe? Il est comment ton corps? En fait je suis un peu obèse. Ah donc mais t'es un... je suis fort au niveau des bras. C'est ah tout. Donc au niveau des bras et des hanches, c'est pas pareil hein. Ouais. C'est d'accord. Tout. Et t'as déjà essayé des trucs pour mincir ou pas? À 13 piges, c'est compliqué. Ouais, mais... le régime, la muscu et puis tout ça, mais ça marche pas. La muscu à 13 ans? Un peu. Mais déjà, est-ce que tu fais attention à ton alimentation, Joseph? Un petit peu. Mm-hmm. C'est-à-dire, par exemple, ce soir t'as mangé quoi? Dis-nous. Ce soir, j'ai mangé des tomates. C'est tout? C'est pas beaucoup ça. Non, des tomates et du melon. Ah oui, oh, bah c'est clairement peu. Ouais, c'est pas beaucoup. Et pas de dessert? Si, j'ai mangé du fromage blanc avec des framboises. Bah ça va, c'est parfait. C'est bien, ouais. C'est fruits, c'est été en plus. Bah attends, et si tu continues comme ça, tu vas forcément mincir. Hein. Voilà. Joseph, on l'a perdu, Joseph. Joseph est parti ce qu'il a faim. Et surtout, il a pas du tout envie de manger du melon pendant tout l'été, le pauvre. Bon, Bichon, tu sais quoi, on va te trouver des solutions. On va demander aux auditeurs, là, 01 42 48 5000, s'ils ont des techniques. Et moi, j'en ai déjà. C'est le vrai faux du soir, on se le fait maintenant? Allez, vas-y. Allez. Le vrai faux du Night Show. Je vous le dis, c'est des techniques barasses pour perdre du poids, mais certaines fonctionnent, vous me dites. D'accord. Ne mangez que des aliments de couleur verte. Vrai ou faux? Ah, ça existe, mais c'est ouais. Ça existe, mais c'est il faut pas le faire. Vraie technique, mais effectivement très déconseillée. Manger de la nourriture pour bébé. Vrai ou faux? Non, ouais. C'est faux ça. Si, il y en a qui le font, c'est le régime petit pot en fait. Tu manges que les petits pots de bébé et du coup tu mincis. Alors attends, parce que j'ai une théorie là-dessus, c'est-à-dire que le petit pot pour bébé en dessert c'est bon, mais le petit pot salé c'est dégueulasse. Ah ouais. Et c'est dégueulasse et il y a rien à manger, surtout mais faut oui. Pas le faire ça non plus. Le c'est meilleur pas, c'est le petit pot caramel. Ah bon? Ah ouais, il est magnifique. Allez, demain, je vous en ramène. Bah, mec, c'est angoissant, surtout que tu manges des petits pots pour bébé. Bah, c'est super bon, c'est pas sucré. Se faire des infusions d'urine, vrai mais ou faux? Non, bah non. Non, c'est faux. Sucer des glaçons, vrai ou faux? Ouais. Non, c'est faux. C'est si, vrai. C'est vrai. Il paraît que ça marche, alors je pense que c'est le froid ouais, qui mais surtout, draine. Surtout, c'est hyper dangereux pour la santé. Parce que... Mâcher des ongles, vrai ou faux? Oh, non, c'est faux. Manger son placenta. Ah oui, ah, oui, oui. Ouais, il y a des stars qui l'ont Kardashian fait, Kardashian l'a fait, alors ça me dégoûte. Mais pour ça, par exemple, Joseph, comme tu n'auras pas d'enfant demain, voilà. Tu pourras pas le faire, par exemple. C'est compliqué. Sniffer de l'huile essentielle de pamplemousse, bah vrai non. Ou faux? Non. Eh ben si, paraît que ça fonctionne. À tester, je pense pas que ce soit très dangereux, ça, de l'huile de pamplemousse, mais enfin, c'est bizarre. Mais ça doit faire hyper mal. Bah pourquoi? Bah, je sais pas, tu bois pas de l'eau avec ton nez? Ouais, c'est vrai. Ouais, mais tu la sens seulement, je crois. Ah bon? Bah oui, t'es con, toi. Tu te mets pas une paille dans le nez, quoi. Elle est bête, elle. Faire des inhalations de paix bio, vrai ou faux? Non. Non, c'est faux. Lécher sa cire humaine. Non. Alors, il paraît que c'est vrai. Je ne sais pas pourquoi. C'est-à-dire que tu décrottes l'oreille après oui, mais il paraît que ça, c'est pas obligé de le faire, mais que ça fonctionne. Non, mais personne ne le fait pas, surtout. Non, faut pas le faire. Mais hey, c'est les techniques barrages, je vous avais prévenu. Hein. Remplacer ses couverts par les sourcils d'Amir, vrai ou faux? Ah, bah oui, c'est sûr ouais. Que ça te dégoûte, quoi. C'est pas drôle, ça. Hein. T'as plus envie de bouffer, ouais, c'est pas du tout drôle. Hein. Oh, arrête, ça va, c'est... on essaye de détendre Joseph. Il a dit, ça ferait une bonne fourchette. Il est chonchon, là. Bon, Joseph, évidemment, faut pas appliquer ces techniques. Hein. Il faut manger sain, équilibré. Ah, oh, c'est sûr, t'en as porté dans la bouche. Pardon. D'accord. J'ai pas compris. T'as dit quoi, Joseph? Si tu manges les sourcils de mire à la place des couverts, c'est sûr que t'en as partout dans la bouche. Ah. Ouais. Alors, il y a un truc pour draguer les filles, Bichon, il faut progresser sur les poignées d'amour et sur l'humour aussi. Hein oh, mais tu sais quoi mais on va le coacher. Si on va le coacher, tu restes là, on se retrouve dans un instant avec tous les auditeurs là, 01 42 48 5000. On aide Joseph à maigrir et à devenir drôle. On est d'accord? Arrête. C'est la mission du Night Show. Bah si, on revient tout de suite. La radio numéro 1 sur les nouveautés Dance Electro. C'est Fun Radio. Benny Benassi et Chris Brown. Sound of Ledger. Cible. Matel. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son Dance Floor. Écoutez Fun Radio. Écoutez Fun Radio. Fun Radio. Partout dans le monde sur funradio.fr. See them at first light, after a long night. And see the sky take shape, but I wanna see the stars burn, after I had my turn. And oh, you're working so hard, you played your card, so what's the payoff? And oh, big talk is cheap, you gotta go deeper than deep to get me up. Je suis hyper contente parce que avant l'émission, on avait parié avec Anso, on avait fait un pari pour avec moi peut-être, hein. Avec Marion, ouais, c'est ça. Pour ceux qui affronteront la France, ouais. C'était l'Angleterre contre l'Islande. Moi, j'étais pour l'Islande, Marion était contre l'Angleterre. On avait décidé d'un gage. L'Angleterre. Et l'Islande a gagné. Ouais, donc, alors. Je vous rappelle le gage de Marion. Marion doit appeler quelqu'un n'importe où en France pour essayer de l'ambiancer en mode supporter. Non mais je sais pas du tout parce qu'en plus je ne connais pas de chant de supporters tout ça, donc ça va être une catastrophe. En plus il est 22h52, les gens dorment, je le sens mal cette histoire, j'ai déjà honte d'avance. Tu sais quoi Joseph, on va te donner des conseils dans un instant Bichon, mais d'abord Marion va appeler, d'accord? D'accord. Allez, bouge pas. Ah, c'est gênant. Et tu nous fais genre un bon gros truc de supporter qui est en fin de match, qui a bien sué, bien chanté et tout quoi. Non mais attends, mais je suis gênée là. Gros truc qui tâche. Vous me suivez un peu? Ouais, t'inquiète. Par moment. Bien sûr. Ouais, toujours là pour toi. Allô ? Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. C'est Jackie ? Oui, non. Po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po. La tristesse. Antoine, vous pouvez me suivre, les gars. Ah non, non. Allô ? Oui. Vous pouvez me suivre ou pas? Parce que je suis hyper contente. L'Islande a gagné. On va affronter l'Islande dimanche. C'est la fête. Suivez-moi. Et un, et deux, et trois. Oh. D'accord. Je vais tenter autre chose. Là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là. Je suis seule là. Allez. Bonne nuit. Merci. C'est gentil. Vous avez essayé quand même. Comment vous appelez? Marc. Marc, vous êtes en amour. Un petit pop pop pop avec moi ou pas? J'adore. Salut Marc. Salut Marc. Eh, bravo la gagnante. Eh, franchement, j'ai eu la chance du siècle. Hein. Il est parti tranquille. Il s'est posé aucune question de où il était. C'est le gars. Improbable. Hyper sympa quoi. Ah ouais. Oh, je suis contente. En revanche Marion, tout ce qui est supporter, tout ça, tu sais ça. Et puis tout ce qui est note, tout court aussi. Ouais. Mais attendez, oh là vous là saviez là ce là que là vous risquiez avec moi. Hein. J'ai vécu un instant de gêne les gars. Bon, Joseph, nous sommes là pour t'aider puisque t'es un peu complexé toi. T'as un peu de soucis de poids, tu te trouves un peu rondelet et t'as besoin de conseils pour maigrir. C'est ça. Eh ben on a du monde pour toi au standard, ok? D'accord. Il y a Julien de Chalon qui est avec nous. Bonsoir Julien. Salut. Ça va Juju? Ça va, très bien. C'est la première fois que je passe à la radio, donc je suis un peu en stress. Ah, mais ça va très bien se passer. Bienvenue à toi, on est cool, on ne mange pas, tout va bien. Ah ouais, super, avec un. Dis-nous alors, qu'est-ce que tu lui conseilles toi? Alors moi j'ai une bonne solution, c'est le gainage et les abdos. Exactement. Mais il est pas un peu jeune? Ah si. 13 ans, en fait, c'est... À 13 ans, c'est chaud quand même. Hein. Finalement, le corps, comment dire, il évolue petit à petit. Et à faire du gainage comme ça, ça va lui permettre, entre guillemets, de se former, de se former les muscles. Donc, ouais. Pour moi, il peut faire du gainage comme ça. Il faut qu'il se prenne 5 petites minutes le matin et le soir pour en faire un petit peu. Et 5 minutes de gainage, mec, moi je tiens pas. Je tiens une minute. Non, je dis 5 minutes, en fait, c'est histoire de faire plusieurs séries. Alors, il faut qu'il prenne des gens 30 secondes pour en faire. 30 secondes une fois, 30 secondes une deuxième, 30 secondes une troisième. T'as repris, toi, Anso, les abdos ce matin? Ouais, j'ai repris le gainage. En fait, le gainage, c'est quand t'es allongé par terre, t'es sur les coudes, les jambes tendues. Avec t'es sur les pointes des pieds en fait. On est fixe en fait. Et sur les coudes et t'essayes de tenir le plus longtemps possible et en fait tous tes abdos et tout ton corps se contractent. C'est horrible, hein, moi ça me fait super mal. Et ça. T'essayes de tenir longtemps. Effectivement, ce que je disais à Julien, c'est bien. Il faut faire plusieurs séries comme ça, 30 secondes, tu arrêtes, tu reprends 30 secondes. Et je trouve que c'est pas mal ça, Joseph. Faut bien lever les fesses, hein. faut pas que le dos soit cambré. Et il a raison, mais Joseph, la natation, tout ça, parce qu'il y a d'autres sports qui peuvent t'aider. T'as pensé à ça? Ouais. Et non, ça te chauffe pas. T'as pas l'air très bon chez sport. Hein. Ouais. Bah si, j'ai fait du hockey sur glace. C'est bien ça. Ah, faut continuer. C'est un bon début. Mais qu'est-ce que ça muscle le hockey sur glace, les cuisses, les jambes? Bah tout, c'est le cardio. Tout. Ça muscle les bras, les abdos, les cuisses. Le dos. Le dos, surtout, quoi. Ouais, vu qu'avec tout l'équipement, ça fait mal. Ouais, mais ça marche pas trop visiblement, puisqu'il nous appelle. Ah mais peut-être qu'ils s'entraînent pas assez. Et puis à 13 ans, tu sais, ton corps il a pas fini de se former. Donc oui, c'est ça, sûr. Ça va prendre du temps tout ça. C'est vrai ça, Joseph. Tu vas te rendre compte. Moi, mon frère était très gros quand il était petit. Puis à 18 ans, il a complètement fondu. Ah ouais. Ouais. Bon, il te reste 5 ans, hein, Joseph, à tenir. Mais. Ah mais. Tu vois. Te pose pas trop de questions. Laisse-toi. Fais juste attention à ce que tu bouffes, quoi. C'est tout. Ouais, c'est ça. D'accord. Julien, merci de nous avoir appelé, Bichon. Bah y a pas de souci. Bonne soirée à vous. Comment tu l'as ressenti cette première fois à l'antenne? Bah, j'avoue que je bug un peu au niveau des paroles, donc c'est un peu bizarre. Mais non, t'as été parfait, Julien. En tout cas, je suis très heureux de vous avoir eu comme ça en direct, là. J'avoue que je vous écoute tous les soirs, comme la plupart du monde. En fait, je peux vous avoir que quand je travaille. Ah, tu fais quoi? Moi, je suis agent de sécurité en sécurité mobile. Oh, d'accord, big up à tous les agents. Le problème, c'est que sur Chalon, on capte pas dans les véhicules, dans ma voiture, je capte pas son radio. Ah. Donc, il y a... À partir du moment que je passe 1 km en direction de d'Arche-sur-Yon, je sais pas si vous connaissez, que je peux capter. Mais pourquoi tu télécharges pas l'appli? Avec ton petit téléphone? J'ai l'application sur mon téléphone, ouais. Mais bon, j'ai pas le Bluetooth encore dans la voiture. D'accord, tu nous crées des problèmes là, mon pote. Hein. Non, mais hey, on peut lui offrir une enceinte Bluetooth. Tiens. Non, on va lui faire un contrat, comme ça il va rejoindre l'équipe. Ah, ben moi, il n'y a pas de problème. Alors, attends, parce que Amir vient de lâcher un truc. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, il veut t'offrir une enceinte Bluetooth, Philips. Est-ce que moi, tu la veux bien, eh ben, ah, voilà. Ouais, carrément. Eh ben, c'est gagné alors, bravo. Eh ben, je vous remercie. Avec plaisir. On t'embrasse, Julien. Bisous. Bonne soirée à vous. Bisous. Il y a amour. Amandine de Tours aussi qui est avec nous. Bonsoir, Amandine. Bonsoir Mario, bonsoir Anso, bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir, ça va Amandine? Bienvenue. Oui, ça va, oui. T'avais un conseil? Un conseil, oui et non. Dis-nous. En fait, faut pas qu'il se prenne trop la tête, parce que lui, bon, il aime pas ses poignées d'amour, mais il y a des filles, par exemple, comme moi, qui adorent ça. Ah, toi, moi, t'aimes bien. J'aime pas les mecs musclés, enfin, ça raconte trop, en plus, c'est pas joli. Après, il y a Bourlet et Bourlet, il faut pas non plus que ça ressemble à Homer Simpson, mais c'est mignon les Bourlets. C'est vrai qu'il y a plein de nanas qui préfèrent les mecs un peu nounours comme ça. Hein. Mais c'est vrai ça, Joseph, en vrai. Hein. En vrai, t'es pas obligé de maigrir, il y a plein de nanas à qui s'appeler. Alors peut-être pas à 13 piges, à 13 piges on est un peu trop sur le physique, tout ça. Mais tu verras qu'en grandissant, les filles, nous on s'en fout. Ouais. On aime bien le côté rassurant et puis les muscles, c'est chiant. Nous, on aime bien les mecs un peu drôles, un peu gentils, qui prennent soin de nous. Tu vois, on s'en fout, quoi, en vrai. C'est ça. Hein, Joseph, faut le garder à l'esprit, ça. Hein. Ok. Ok, Jojo. Ouais. Amandine, tu as bien fait de passer, tu es la sainte parole de cette soirée. On t'embrasse. Bah, bisous, Amandine. Bisous. Ciao, ciao. Bisous. Il y a Hugo aussi à Saint-Leu. Ah bon? Saint-Leu, c'est pas très loin. Ah non, c'est Saint-Lô, près de chez toi, près d'Angers. Oui, c'est vrai. Bonsoir, Hugo. Est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. Salut tout le monde. Alors Hugo, dis-nous, c'est quoi ta technique à toi? Alors moi, j'ai genre une technique révolutionnaire. Ouais. Boire son sperme. Mais non. C'est pas possible. Non mais c'est vrai que ça, c'est une légende urbaine. Hein. Tout le monde dit que c'est bon pour la santé, qu'il y a des trucs dedans, tout ça, mais c'est pas du tout vrai. Hein. Non, c'est pas vrai. On l'a déjà dit d'ailleurs que c'était faux. C'est faux, ça n'apporte rien du tout, nutritivement parlant, le sperme. Hein. Puis alors, genre Hugo, tous les matins, hop. Oh, quelle horreur. N'importe quoi, Hugo. Hugo, t'as jamais fait ça, rassure-moi. Non. Ouais, ah, non, d'accord, tu m'as fait peur, bichon. Eh, faut pas faire ça, hein. Oui, je sais. D'accord. Il s'en veut de ouf. Il était trop content. T'es. Non, mais tu sais quoi, c'était quand même une bonne proposition. On la prend pas, mais merci de nous avoir appelés. D'accord. Marion, je peux juste te poser une question? Allez, je t'écoute. Ça fait quoi de se prendre une bouteille dans la tête? Ah, par rapport à ma vidéo. Alors écoute, ça fait mal, mais évidemment, c'était une fausse bouteille, effets spéciaux, tout ça. Elle était en sucre, en fait, parce que je vous explique, j'ai sorti une vidéo sur ma chaîne YouTube perso, et à un moment donné, je me fais éclater la gueule avec une bouteille, et c'est très impressionnant, mais c'est ce qu'on utilise au cinéma, c'est du sucre. Donc tout va bien. J'ai pas eu mal, mais c'est impressionnant. D'accord. En tout cas, c'est cool, Marion, parce que toi, tu sais garder des secrets, quoi. Bah, je vais pas leur dire que je me suis vraiment fait éclater. T'imagines? Hugo, on t'embrasse, mon chat, merci de nous avoir appelés. Tu pourras un pack fun, s'il vous plaît? Ouais, bien sûr, on te repasse le standard. Bisous, Hugo. Bisous. Bon, Joseph, arrête de te prendre trop la tête. Ouais. Te prends pas la tête, les filles, elles aiment les poignées d'amour. Ça va descendre tout seul au fil des années. Et juste un peu de gainage, tu fais attention, pas trop de Nutella, tout ça. Et si tu veux un dernier conseil de Pépère, il est là. Tu veux ou pas? Oui. Moi, je veux bien. Allez, Pépère, dis-nous, qu'est-ce qu'il faut faire? Pépère, il a un conseil, c'est qu'il faut faire du sport, beaucoup de sport. Hein, parce que moi, même quand j'étais petit, je faisais de la poutre. De la poutre en salle? Non, sur la top de mon père. Puis il me faisait tomber des fois et comme ça je pouvais le sucer. Oh. Mais ça, c'est les jours de forme. Est-ce que tu peux réessayer de dire poutre, Pépère, s'il te plaît? Les poutres. C'est pas facile à dire. Ouais, non, c'est compliqué. Joseph, on t'embrasse très fort, bichon. Merci. Comme ta soeur, toi. Oui. Est-ce que vous pouvez venir le 14 juillet aux Arcs 1950 en Savoie, s'il vous plaît? Ouais. Ah bah c'est bien précis tout ça, mais pourquoi faire? Non, c'est pas ça, c'est parce qu'il faut une grosse teuf avec un feu d'artifice. Et puis bah, j'aimerais bien voir Mikosé et puis tout ça, et puis toute la troupe en live. Oh, t'es trop mignon, Joseph. Alors moi, personnellement, je pourrais pas parce que je pars en vacances le lendemain. Alors moi, personnellement, je pourrais, mais là... Mais non. Je sais pas trop. Non, on peut pas, parce qu'avec Marion, on est à l'Electronic Music Festival. Ah oui, c'est vrai. Electro Beach. Ouais. Ah ouais. Merde, y a pas une autre date? Electro Beach, pardon. Y a pas une autre date, Hugo? Ou Joseph? Ça va être bon. Compliqué. Hey, tu sais quoi, le 12, vu que moi je m'en vais aux Arcs le 9. Le 12? Bah écoute, je regarde mon agenda, tout ça, et je te promets que s'il y a une possibilité, je t'appelle. D'accord. D'accord, bichon, mais en tout cas, toi, si tu passes par Paris, t'es le bienvenu dans les studios. D'accord, merci. On t'embrasse, mon Joseph. Au revoir. Bisous, bisous à toi. Bon, restez avec nous, puisque dans un instant sur Fun Radio, c'est le Pourquoi tu m'appelles qui va débarquer. Et bah, si vous voulez vous inscrire, Marion et Anne-Sor@funradio.fr, vous gagnez des enceintes Bluetooth en plus. Oh, bah, sympa, sympa. Pratique, plage, tout ça, quoi. Voilà. Et dès au retour sur Fun Radio, on écoute Bailar, on est en direct jusqu'à minuit. Mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, vamos. Tout le monde, c'est Marion et Anne. Vous êtes en direct sur Fun Radio comme chaque soir. Là, c'est dans la dernière semaine. Et pour fêter ça, demain soir, notre invité, ce sera qui, Anne? Ce sera Kinvé. Ouais. C'est le nouveau titre. Avec Glory. Ouais. Qu'ils feront en live dans ce studio. Donc, si vous avez des questions pour eux, 01 42 48 100 000. Ça marche aussi par mail. Marion et Anne @funradio.fr. Pourquoi tu m'appelles? Bah, je vous appelle pas. Ne me fais pas chier. Vous êtes qui, là, pauvre con? C'est dans le Night Show sur Fun Radio. Et pour cette dernière semaine, on vous offre vos enceintes Bluetooth Philips. Franchement, c'est cool pour l'été, le petit son qui va bien là sur la plage avec les potes, les apéros, les soirées, la totale. C'est ça, puisque bon, c'est complètement une enceinte amovible. On joue avec Axel de Tours ce soir. Bonsoir Axel. Bonsoir Marion, bonsoir Anne, bonsoir toute l'équipe. Est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. Alors Axel. Alors, comment c'était Ibiza? Racontez-moi un petit peu. Ah bah c'était le feu, on en a parlé déjà, mais franchement on a kiffé de ouf. Ah ouais. Ah ouais, c'était charmé. Tant mieux. J'ai vu un petit peu sur Snapchat, Anso, dis donc, t'as pas trop bien dragué, dis donc. Hein. Ah non, ça c'est en fait, l'espagnol et moi, ça marche pas, ouais, quoi. Ça oh bah ça marche pas mieux en français, hein. Voilà, c'est ça. Tu veux jouer contre Marion, tu dis ça, mais bon, le mot ça carbone, excuse-moi. Hein. Ok, toi, tu suis beaucoup trop cette émission. Ouais. Tu veux jouer contre qui, Axel? Je vais jouer contre Anso. D'accord. D'accord, ok. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir me donner comme handicap? Alors, qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire celle-ci? J'ai une idée. Rapport à l'Angleterre. Ouais. Ah, qui est sortie de l'Europe? Ouais, j'aimerais bien que tu fasses l'accent anglais. Pour ceux qui ne savent pas, l'Angleterre ne fait plus partie de l'espace européen. Ils ont voté, ils ont décidé, c'est comme ça. Ils ont décidé, le Brexit. Ouais, nous, on est complètement indépendants, quoi, les gars. On n'a pas besoin de vous, quoi. Du coup, petit clin d'œil à tous les Anglais qui éventuellement nous écoutent. Tu vas devoir faire le pourquoi tu m'appelles avec un accent British. Ok. Vas-y, un petit exemple pour voir. Bonsoir, pourquoi tu m'appelles? Hein, c'est pas mal. Ouais, ça va. Pas c'est mal. Pas dégueu. J'irais plus Donald, mais. Il y a un truc. Axel, je me lance et puis. Ouais. Bon, on verra pour ton cas après, quoi. Ok. Allez, conserve, bouge pas. Ah, conserve. J'aime pas ce mot. Tu vas voir que ça va te manquer après nos vacances. J'ai pas envie qu'on pense partout en vacances. Bah, pars pas, Amir. T'as qu'à venir. Petit best-of. Ça sonne, hein. Allô. Allô. Oui. Oui, pourquoi tu m'appelles? Comment? C'est une erreur. Oh non, je ne crois pas. Mon téléphone vient de sonner et I don't understand. Mais le mien aussi a sonné, mais c'est une erreur. Est-ce que vous essayez pas un peu de m'imiter, monsieur? Pas du tout. Alors, vous avez un accent, vous aussi? Vous venez de où? D'Angleterre? Et... Non, pas du tout. Et d'où vous venez, monsieur? Oh là là, ah, il est reparti. Aïe, aïe, aïe. Ah bah ouais, mais j'ai là, tenté, hein, j'ai tenté. Elle le tient bien en plus. C'est petite, assez hein. Sexy, hein. Ouais. C'est pas mal. Bon, combien de temps elle a fait? Elle a fait 29 secondes. Ouais, c'est quand même. 29 secondes, ouais. C'est une catastrophe. C'est pas le une catastrophe. Axel, franchement, si t'arrives pas à me battre à 29 secondes. Bah là, je pense que ça va aller. Hein. Je pense que je peux y aller tranquille. Hein. Ouais, bah fais pas le malin quand même. Hein. Allez, on y va, Axel. Bonne chance. Hein. Good luck. Thank you. You're welcome. Good afternoon. Non, c'est good evening. Hein. And where is Brian? My ass. Allô? Oui? Oui, bonjour madame, vous venez de m'appeler, j'aurais voulu savoir pourquoi vous m'appeliez. Madame, je ne passe pas. Ah monsieur, autant pour moi, vous m'avez appelé, donc j'aurais voulu savoir, j'ai votre numéro qui vient de m'appeler, donc je décroche, il y a mon téléphone qui vient de sonner, donc j'aurais voulu savoir pourquoi vous m'appeliez. Non, je ne pense pas que je vous ai appelé, non. Parce que moi, écoutez, je suis en train de parler justement à quelqu'un et... Bah écoutez, monsieur... Vous vous appelez, là. Bah écoutez, je suis au téléphone avec vous, donc je ne peux pas voir quel numéro m'appelle. Réfléchissez un petit peu, monsieur. Eh bien oui, mais maintenant, madame, moi, je suis en train de parler justement avec un policier municipal et je peux vous dire que je ne vous ai pas appelé. Oui, bien sûr. Essayez de me faire peur. Bon, attendez, je vous passe la personne. Il y a une dame qui m'appelle et qui dit que je viens de l'appeler. Allô? Oui, allô, monsieur. Bonjour. Oui, bonjour. Je viens de recevoir un appel de vous et j'aurais voulu savoir pourquoi vous m'appeliez. Alors, c'est pas possible. Je vous dis, madame, je suis policier municipal. Alors, déjà, c'est monsieur, d'accord. Et donc, je peux vous affirmer, parce que je suis chez la personne chez qui vous appelez, là. Pour, oui. Voilà. Et écoutez, je peux vous affirmer qu'il ne vous a pas appelé. Voilà. J'ai votre numéro qui m'a appelé deux fois, donc écoutez, je pense qu'il y a un souci parce que le monsieur, on dit que ça fait un quart d'heure qu'on discute, même un peu plus, et il vous a pas appelé. Voilà. Passez-moi la police de l'intercommunalité, donc vous pouvez vous renseigner, hein. Il n'y a aucun problème. Intercommunalité Storagout. Voilà. L'intercommunalité Storagout. Voilà. Monsieur, passez-moi la personne qui m'a appelé. Écoutez, je veux savoir qui m'a appelé. Attendez. Mais je vous dis, monsieur, madame, Monsieur, excusez-moi. Il vous a pas appelé. Il vous a pas appelé parce qu'il est avec moi et il n'a pas touché son téléphone. Mais, il vient de le toucher là. Monsieur, j'ai votre numéro qui vient de me téléphoner. J'hallucine pas quand même. C'est qu'il y a un problème. Je vais lui en informer, qu'il regarde son opérateur si c'est pas fait pirater son téléphone. Bah ouais, mais écoutez, je peux vous assurer que c'est il vous a pas appelé. Voilà. J'aurais voulu quand même savoir, il m'a appelé, il y a une raison sûrement, il y a une raison. Et je vous dis, il ne vous a pas appelé. Et moi, je suis assermenté, donc je peux vous le dire. Hein. Voilà. D'accord. Je pense que le monsieur n'a pas envie de vous prendre. Donc voilà, il en est désolé. Mais ce n'est pas lui. Bah si, ça peut être que lui, j'ai eu son numéro qui s'affiche. Et c'est fini, Axel. Hein. C'est fini, mais c'était quand même pas mal joué. Hein. Mais j'ai rien compris. Il fait tenir le truc, mais bon. Mais alors attends, parce qu'il y avait un flic chez lui. Bah c'était un flic, mais je vois pas le rapport, parce qu'il aurait été coiffeur, ça aurait été la même chose. Bah voilà, c'est ça, qu'ils sont coiffeurs bouchés, je m'en fous en fait. Bon, en tout cas, c'était bien joué, on est d'accord. Zéro suspense, il a fait combien, Mano? Bah 2 minutes. Oh. Et voilà, tu l'as éclaté. Bravo. Merci. Ah ouais. Au top, Bichon. Bravo Axel, tu repars avec merci ton enceinte beaucoup. Bluetooth Philips. Ah ouais, mais merci Fifi. Dis-lui avec ton accent anglais, British. Oh, tu repars avec ton enceinte Philips. Merci, merci, merci. On t'embrasse Axel. Merci, bisous tout le monde. Bisous, ciao, ciao. Salut. Ne bougez pas dans un instant sur Fun Radio. Bon bah déjà, on va parler quoi? On va parler fionfion. Oui. Et ça, on aime bien. On va se demander pardon aussi. C'est vrai. Et grâce à ça, vous allez pouvoir gagner des hoverboards. Et ça, c'est cool pour l'été. Ainsi que pour l'hiver également, qui approche à grands pas. Si vous voulez vous inscrire, en tout cas, où je te demande pardon, Marion et anne-soir@funradio.fr. Et on va parler manipulation, usurpation d'identité aussi dans quelques minutes. Elle fait ça bien. Juste après Galantis, c'est No Money sur Fun Radio. Sorry, I ain't got no money. Trying to be funny, but I left it all at home today. You can call me what you wanna, I ain't giving you a dollar. This time I ain't gonna run away. You might knock me down, you might knock me down, but I will get back up again. You can call it how you wanna, I ain't giving you a dollar. This time I ain't gonna run away. h 15, c'est Marion et Anne Soul Night Show. On est lundi soir. Bonnes vacances tout le monde, à ceux qui ont la chance d'y être. Bon courage pour ceux qui bossent. On pense à vous là. Toutes les infirmières, les infirmiers, tous ceux qui sont sur la route, les taxis, les chauffeurs Uber. J'embrasse mon chauffeur encore aujourd'hui qui nous écoute. Je sais plus son prénom, mais c'était un amour. Il m'a posé plein de questions sur toi, Anne Soul. Ah bon? Ah, je te jure. Bah, je sais pas. Mais tu m'intéressais. Bah, du genre, comment elle est sympa, vous entendez bien, est-ce qu'elle est aussi petite qu'elle a l'air en vidéo, tout ça, quoi. Mais adorable, tu vois. Donc, je lui ai dit qu'il fallait qu'il passe dans le studio quand il voulait. Il était comment? Mais il était sympa. Écoute, non, adorable. Ouais, je vais raconter une petite histoire. L'autre jour, j'ai pris un chauffeur aussi comme ça avec Marion. Ouais. Et c'était un mec, a priori, Marion me disait plutôt beau gosse. Mmh. Elle m'a saoulé avec ce mec pendant 20 minutes pour me dire il faut à tout prix qu'on rappelle ce mec et qu'on le présente à Anso. C'est vrai que je trouvais que c'était ton style. Ah bon? Ouais, bah il était plutôt classe, plutôt pas mal. Mais peut-être au lieu de le dire, faites-le les gars en fait. Et c'est vrai qu'on l'a jamais fait. Bah c'est gênant, on va pas appeler un gars et lui dire j'ai une meuf pour toi. Il s'appelait Hamid, je crois. Ou Amine, un truc comme ça. Bon bah, c'est approximatif quand même. On t'embrasse. Ouais, bah on va essayer de le retrouver. Ouais, on va essayer. Merci les gars, en tout cas. Avec plaisir. Il y a Antoine de Perpignan qui est avec nous. J'ai envie qu'on dise à tous bonsoir Antoine. Bonsoir Antoine. Salut Marion, salut Anso, salut toute l'équipe. Comment ça va? Ça va très très bien. Bon, moi j'ai une histoire. Vas-y, raconte. J'ai usurpé en fait l'identité d'un pote pour m'acheter des biens sur un site de vente, vente sur internet. Je sais pas si j'ai le droit de dire le nom. Non, le dis pas forcément de toute façon. Je sais même pas si t'as le droit de dire ce que t'as fait tout court. Hein, oui. Rapport au fait que c'est pas légal. Mais effectivement, Enzo nous a expliqué tout ça. Toi, t'as usurpé l'identité d'un pote pour acheter. C'est-à-dire que t'as pris toutes ses coordonnées bancaires. Ah voilà, en fait, le pote en question est venu chez moi. Il a acheté 2-3 trucs sur mon PC. Ouais. Et puis, je sais pas, après, il est parti. Il a pas fermé la page et... Mais tu sais que j'ai acheté, Antoine, tu sais que c'est puni par la loi, ça, hein. Ah bah complètement, ouais. Tu risques de la prison et tout, hein. 15 000 euros d'amende aussi, hein. C'est pas vrai. Si, bah, un an de prison et 15 000 euros d'amende, l'usurpation d'identité, c'est extrêmement grave, Antoine, hein. Je savais pas. Bah oui, et c'est pas parce que c'est ton pote que c'est moins grave. Déjà, c'est hyper relou, c'est hyper méchant, parce que lui, t'imagines, il va se faire débiter de combien? Combien t'as dépensé avec sa carte? J'ai dépensé à peu près 500 euros, mais il s'est fait rembourser par sa banque, donc c'est pas grave. Antoine, mais tu te rends bien compte quand même que ce que tu dis, c'est absolument illégal. Non. Ouais, mais alors, il se rend pas compte de tout ça, mais maintenant que c'est fait, que l'autre a été remboursé et tout, on est d'accord que s'il dit à son pote, il va perdre son pote. Donc est-ce qu'il vaut mieux pas enterrer l'histoire, ne plus jamais en parler, ne plus jamais recommencer? Bah après, son pote s'est fait rembourser, donc il peut peut-être lui dire en mode, bah mec... Bah non, mais il aura plus jamais confiance, Anso. C'était il y a combien de temps ça, cette histoire, Antoine? Ça fait un mois et demi. Ouais, Anso, tu me fais ça, plus jamais je te fais confiance, même si j'ai été remboursé 4 fois, quoi. Mais ça me viendrait même pas l'idée de te le faire, quoi. Bah, j'espère bien, de toute façon, toi tu me raquettes directement. Anso me dit j'ai besoin de 500 balles, j'ai bon, débrouille-toi, parce que je sais pas. Je suis un peu en galère, moi aussi. Non, mais Antoine, ça se fait pas, le pauvre, t'imagines la panique sur le coup et tout. Franchement, je sais pas s'il a des galères financières et tout, mais c'est pas cool, hein. Mais je sais pas, après, c'est plus une connaissance qu'autre chose, mais il a laissé la page Amazon ouverte. Mais alors? Mais non, mais attends, mais. Ah bah oui! Bah, non, mais c'est n'importe quoi! C'est complètement débile, quoi! C'est comme si quelqu'un tuait quelqu'un dans la rue. Bah ouais, mais il était 3h du mat', elle était toute seule! Bah ouais, alors? Non, mais il n'y a pas d'excuse en fait! Oh, j'avais besoin d'un canapé tout neuf et une télé. D'accord, ça c'est une bonne excuse. Ok, bah écoute-toi nous. En plus, c'est bien parce que tu fais les choses intelligemment. C'est-à-dire que tu prends pas des choses dont ton pote aurait pu avoir besoin. Non. C'est-à-dire que tu prends des gros dossiers histoire de bien pas te faire griller. Autant que je me serve pour moi, quoi. Non, mais Bichon, on t'a fait une connerie, ça aimerait bien l'entendre. À la limite, ça arrive à tout le monde, même si encore une fois, attention parce que c'est grave et c'est puni. On est d'accord, tu vas pas recommencer. Ah ben non, mais je savais pas en fait que c'était illégal. Ah non, mais ça s'appelle du vol en fait, Antoine, bah oui, ce que t'as fait, hein, ni plus ni moins, donc... D'accord. Alors, tu te fais choper par ça là, c'est chaud. Cela dit, c'est une bonne question, est-ce que vous à la maison... Est-ce que je peux me faire choper, hein? Oui, tu peux encore te faire choper, bien sûr, s'il retrouve ta trace. Ouais, ah, surtout que t'as payé, hein, et... putain, c'est... Antoine, 26 ans de Perpignan. On va te dénoncer, nous. Non, mais cela dit, c'est un bon sujet. Est-ce que vous avez déjà utilisé l'identité de quelqu'un pour obtenir quelque chose? Dans l'équipe, à la maison, là, appelez-nous 01 42 48 5000. C'est pas bien, on est d'accord, on valide pas, mais racontez quand même vos histoires et on jugera après. Voilà. Ouais, c'est ça. Dans l'équipe, Anso. Moi, je me suis jamais fait passer pour quelqu'un, mais j'ai une fois ça m'est arrivé et je recommencerai plus parce que ça m'est mal à l'aise. Mais je me suis déjà servi de mon statut d'animatrice pour avoir une bouteille gratos en boîte. Mais non. Ouais, si, une fois. Mais ça fait longtemps. C'était il y a hyper longtemps, c'était à Nantes. C'était les débuts. Ouais, voilà, c'est ça. Et ça a marché, t'as une bouteille et c'était quoi? Bah non, mais en fait, ils me l'ont filé parce que j'étais une habituée en fait. Une grosse alcoolique, quoi. Ouais, ouais. Ouais, non, mais à la limite, ça c'est différent. Tu utilises ton statut, tu utilises ta notoriété pour avoir des avantages. C'est effectivement pas très glorieux, mais c'est pas illégal. Ouais, non, c'est pas illégal. Tu voles personne, tu vois ce que je veux dire? Voilà, exactement. Donc, mais en même temps, je te vois pas faire ça, toi. Non. Usurper l'identité, tu paniquerais tellement. Ah ouais, mais moi je sais pas mentir. Mais vous savez que même jamais, on en parlait dans le bureau tout à l'heure, je n'ai jamais téléchargé illégalement une chanson. Ben oui, c'est-à-dire que moi je passe un fric fou dans iTunes parce que j'achète toutes mes musiques. Oui, c'est vrai. Et je loue tous mes films en VOD là. Et pour moi, il est absolument impossible de télécharger illégalement parce un truc. Tout à l'heure, on parlait de Grey's Anatomy qui vient de sortir le premier épisode de la saison 13 et je lui dis tu l'as maté tout. Bah faut que je l'achète, elle me dit. Bah oui. Je dis, mais Et du coup, t'as, enfin comme ça approximativement, t'as combien de musique dans ton iPhone? J'ai regardé l'autre jour, j'en ai 1340. Oh, oh, 1340. Mis. Donc mais après c'est sur 5 6 ans aussi hein. C'est étalé quoi. Après, mais 1340 multiplié par parfois 1,29€, mec. Bah, cela dit, c'est toi le bon exemple, hein. Tu fais vivre l'industrie. Merci Anso, bravo Anso, hein. Ouais, c'est ça, parce que moi j'ai des potes qui sont un peu dans le business, qui font de la gratte, quoi. Et moi, je veux les faire, les faire bouffer, quoi. Amir, sur les réseaux sociaux, est-ce que toi, t'as déjà usurpé l'identité de quelqu'un? Je suis sûre que oui. Je me suis déjà fait passer pour mon père, pour me payer un téléphone, il m'a défoncé. Mais comment ça, c'est-à-dire, t'avais appelé l'opérateur, comment ça s'est passé? Bah j'ai appelé mon, enfin j'ai appelé l'opérateur, j'ai fait une voix de mec un peu plus vieux. Ouais. Et j'ai dit que mon téléphone a un problème et que je souhaiterais le commander. Mais c'était il y a très longtemps, donc déjà les trucs de sécurité c'était très naze avant. Ouais. Et le mec il m'a dit ok, donnez-moi date de naissance, adresse, code postal. Et puis mon père avait mis un code en place avec le conseiller. Et vu que je connaissais tout ça, bah. Ah ouais, ils ont pas capté que t'avais une voix toute jeune quoi. Non, et puis je me rappelle, c'était, j'ai fait ça, c'était vraiment il y a 10 ans. Et c'était un Nokia à l'époque. Mmh. Et ça a coûté, je crois, 400 balles. Eh ben. Ouais. Putain, ils étaient hyper chers les Nokia il y a 10 ans, dis donc. C'est clair. C'était le Nokia N95. D'accord. Et ton père, il t'a défoncé ou pas? Bah bien sûr que je me suis fait défoncer, je pouvais pas sortir. J'avais aucun argument. Normal. Enfin au début j'ai joué en mode tiens je comprends pas, c'est ton opérateur qui s'est trompé, il t'a envoyé ça et tout et. Oh le mytho. Ouais. Ouais. Mano à la réa, t'as déjà fait un délire comme ça ou pas? Ah non moi jamais, j'aurais trop peur de choper le tétanos de l'usurpation de l'université. C'est clair. Mais lui il est trop flippé quoi ouais, pour non, faire ce genre pas. De truc. Bah, mais on est pareil avec Mano, on est trop honnête quoi. Ouais. Mais moi j'ai jamais fait non plus. Hein. Oui, je m'étonne pas. Moi comme toi j'ai déjà utilisé 2-3 fois le statut d'animatrice pour obtenir des trucs gratos tu vois. Moi ouais, t'as utilisé des stagiaires aussi pour t'acheter des McDo, des trucs. Des oui aussi. Café, quoi. J'avoue que si on rentre dans l'illégal, dans ma jeunesse j'ai volé 2-3 doses au Monop, mais j'en suis pas fière. À ne jamais recommencer. Ouais. Mais c'est bien tout ce que j'ai fait. Sinon, jamais je me serais permise de voler un pote comme toi, Antoine. Honte à toi. Ouais. Antoine, tu recommences plus en vrai, hein, sans déconner. Hein. Non, je recommence plus. Je savais pas que c'était aussi grave. Bah, si, c'est grave. Attends, Antoine. Bon, je vous l'ai dit, je vous fais confiance. Hein. Je vous écoute depuis longtemps. J'espère que vous allez pas me balancer. Non, bah, on n'a pas ton nom de famille. T'as de la chance. Reste là, Michon. On a du monde au téléphone pour toi. Ouais, il y a Élise de Limoges qui nous a appelé. Bonsoir, Élise. Bonsoir, les filles. Bonsoir, toute l'équipe. Ça va, Élise? Ça va. Alors dis-nous, est-ce que toi t'as fait un délire comme ça? Et ça fait beaucoup moins grave qu'Antoine quand même. Raconte. Donc moi en fait, j'ai séché beaucoup les cours. Mm-hmm. Et le CDI a appelé chez moi. Donc c'est moi qui ai répondu, je me suis fait passer pour ma mère. Oh ah, ça ouais. Va, ça va ça. Ah, oui voilà, mais du coup ils l'ont jamais su. Mais ça alors, je réfléchis, ça m'est jamais arrivé moi non plus de me faire passer pour ma mère ou mon père pour les bahuts. Ah moi non plus. Je sais pas, j'ai un doute. Ah moi non, c'est pas possible, mais j'aurais eu trop peur de me faire griller quoi. Bah, j'ai fait style que j'étais malade, que ma fille était malade, que je m'occupais d'elle et tout ça, mais que c'était normal, que j'étais au courant. Et c'est ah pas ouais. Crème. Personne n'était au courant, et voilà. Putain, t'es forte quand même, hein. T'as gardé ton sang-froid et tout, quoi. Mais il faut. Élise, en revanche, je te propose la technique d'Amir pour avoir un nouveau téléphone. Ouais. Parce que ton téléphone, c'est bien de la merde. Ouais, ouais. Tellement. Merci de nous avoir appelé, Élise. Je t'en prie. On t'embrasse très fort. Il y a Jordan aussi qui est à Paris. Bonsoir, Jordan. Ah, il est là, lui. Salut les filles. Ça va Jordan? Salut Jordan. Ça va et vous? Ouais, ouais carrément. Ouais. Ouais. Ah, raconte-nous, qu'est-ce qu'il a fait celui-là? Oh, tu veux quoi? Eh ben, moi, j'usurpe les photos en fait de beaux mecs pour rencontrer des filles sur Tinder. Oh non, non, mais alors Jordan, ah non, on n'aime pas ça. Ah, hein. Jordan, pas possible ça, Jordan. Hein. C'est illégal déjà. J'ai mal tête en vrai, je suis obligé. Non mais Jordan, je t'explique parce que moi, qui suis beaucoup sur Tinder. Jamais vu, dommage. Pourtant t'es à Paris mec. C'est clair. Bah ouais. T'aurais pu tomber sur elle hein. C'est possible. Mais Jordan, ça m'est arrivé plein de fois de tomber sur des mecs qui étaient quand même d'abord de toute façon on le voit quand vous prenez des photos de faux gars qui sont trop beaux gosses quoi. C'est trop grillé. Non, j'exagère pas, il est pas non enfin ici, si, il est quand même beaucoup plus beau que moi, musclé et tout. Ouais. Il y a une petite ressemblance de loin. Naturel quoi. Mais comment ça se passe quand tu rencontres les meufs après? Bah, la plupart elles bug, elles osent pas me demander. Attends, t'es pas le mec de la photo quoi. Il y en a, elles sont déjà barrées par contre, elles m'ont mis des plans. Aïe. Mais non, en général, voilà. Je me fais pas griller quoi. Et t'as réussi à choper comme ça? Ouais, ouais. Eh bah, t'as de la chance. Temps, hein. Pas tout le temps. Hein, mais franchement, dites-vous que nous, on préfère un mec honnête qui n'est pas forcément très beau, mais qui sait se mettre un peu en valeur, qui est drôle, plutôt qu'un gros mytho où on va être hyper déçu quoi. Vraiment. Ouais, c'est clair. Et Jordan, franchement, teste avec tes photos. Parce que tu m'as pas vu, t'as pas vu ma tête. Je suis pas. Bah, envoie ta tête. Envoie-moi ta tête, Jordan. Bah, je vais t'envoyer ça. Anne-Soir@funradio.fr, comme si on discute, Jordan. Elle va recevoir plein d'invitations, l'autre. Plein de photos de mecs. Elle va faire son marché, quoi. Tu vas voir. Calme-toi, comme Jordan. Photos de mecs qui sont pas moi. Et alors, juste par rapport aux envois, tout ça, Anne-Soir, tu vas me dire si t'es d'accord avec moi, mais depuis qu'on a fait les coups de gueule, je ne reçois quasiment plus de tubs sur Snap. Moi non plus. Mais la tub s'est calmée. Ouais, moi aussi, la tub, il y a pénurie de tubs. Parce qu'avant, on en recevait, mais tout le temps. Alors c'est pas pour ça qu'on en veut, hein, c'est très bien. Mais du coup, il y en a plus. Alors je ressens comme un léger manque. Et moi je reçois des cul. Ah oui, perso des culs maintenant. Moi, je reçois des culs. Bon, en tout cas, Jordan, essaie de mettre ta vraie photo ou sinon des photos un peu détournées, cachées, tu vois, mais pas quelqu'un d'autre. Ouais, j'essaierai, je verrai bien. Ok, ouais. On t'embrasse, Jordan. Ça marche pas, donc voilà. Ok, bon, bah, salut les filles. Et j'attends ton mail, bichon. Bisous. Ah, bisous, ça on t'embrasse. Bon, Antoine, t'es là, montre-nous. Oui. Ouais, je suis là. Nous vous mettons en liaison avec la police ou la gendarmerie nationale. On rigole. On rigole, mais vraiment, ce que t'as fait, c'est pas bien du tout. Évite, sans déconner, parce que là, t'as foutu quelqu'un dans la merde. Ça a été des démarches pour lui, ça a été du stress. Heureusement, il s'est fait rembourser, mais il y a des banques qui l'auraient pas fait. Donc, franchement, t'as déconné, ça ne se fait pas et c'est puni par la loi. On recommence pas. Ouais, non, je le referai plus, promis. C'est bien. On t'embrasse. Mais moi aussi, merci beaucoup à vous et bonne soirée à vous tous. Bisous, Antoine. Ciao. Ciao, change rien. J'ai quand même envie de demander à Pépère si il a déjà fait une usurpation d'identité ou pas. Bah, Pépère. Pépère, lui, s'est déjà fait passer pour une nana. Hein. Une fille? Non, une serviette hygiénique nana, vous connaissez? Oui. Bah, en fait, j'absorbais les règles de ma meuf dans sa culotte avec ma langue. Oh, oh, mais Pépère. Il est vraiment, il est un peu trash. Hein. Je te confirme, Pépère. Moi, je me contrôle. Hein. Tu veux dire que même Pépère est pas bien à cause de ça? Ah bah oui, bah là, Pépère, il est gêné, là. Ça se voit. Bon, reste avec nous dans un instant sur Fun Radio. C'est le Je te demande pardon qui va débarquer. Et puis, on va parler fion-fion aussi. Ah oui. Vous. Et objectif sexuel pour cet été. 01 42 48 5000 et pour le son, c'est Jonas Bouff. I wanna take it to anywhere. Maybe we'll make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me and myself, I got nothing to prove. You got a fast car. I got a plan to get us out of here. I've been working at a convenience store. Managed to save us a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs. You got a fast car, so fast enough so we can fly away. We gonna make a decision, leave tonight or die this way. Said his body's too old for working. His body's too young to look like his. Mom ran off and left him. She wanted more from life than he could give. Said somebody's got to take care of him. So I quit school, that's what I did. You got a fast car. We go cruising and set ourselves. You still ain't got a job. Not working the market as a checkout girl. And all things will get better. You'll find work and I'll get promoted. We'll move out of the shelter. Buy a big house and live in the suburbs. You got a fast car. See it fast enough so you can fly away. You gotta make a decision. Leave tonight or let them die this way. auditeurs qui viennent de nous rejoindre sur Fun Radio. Alors, vous nous connaissez par la voix, mais si vous voulez nous voir en image, à vos risques et périls, allez sur nos chaînes YouTube. Il y en a une qui s'appelle Marion et Anso Gaming et l'autre Marion et Anso tout court, sur laquelle vous pouvez retrouver une toute nouvelle vidéo qu'on a postée tout à l'heure, celle de moi-même et Amir. On faisait quoi? Les DJ un peu beaufs hein, hier soir, c'est ça hein. Ouais. Vous étiez ridicule et il faut la mater parce que c'était sympa à écouter. Mais alors là, pour voir Anso danser, franchement, ça vaut le coup. En fait, je me pose une question dans cette émission. Vous avez vraiment pas envie que j'aie de mec? Vous avez pas envie que je chope? Et on t'a pas forcé à danser, à bouger ton boule hein? Ah, mais cette tête que j'ai, allez voir. Et je vous invite à dire que je suis moche dans les commentaires. T'as un truc à te faire pardonner. C'est l'heure du... Je te demande pardon. On vous offre votre overboard dans le chemin de pardon. C'est juste un cadeau de ouf. Ça vaut quasiment 500 balles l'histoire. Et franchement, c'est frais. On se balade comme ça, tu sais, sur les petits quais à côté des plages, là. Écoute, alors moi, c'est ce que je me disais. On se sent libre en overboard. Attends, on magnifique. A cheveux au vent. Ça fait des pointes à combien ça? 100, 110? N'abuse pas quand même. On peut prendre l'autoroute. Pratique pour le péage. Écoute, t'arrives avec ça à la rentrée des classes l'année prochaine. T'es au top. Bah, si ouais, tu te casses pas la gueule, forcément t'es au top. Et si c'est autorisé, parce que je suis pas sûre qu'il puisse rentrer. Bon, c'est un faux plan. Je crois pas qu'on soit sur une homologation. C'est Gaëtan de Paris qui est avec nous. Bonsoir Gaëtan. Bonsoir les filles, ça va? Oui, ça va et toi? Ça va. Alors présente-toi, comment va le Gaëtan? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Éventuellement, est-ce qu'il a des dettes? Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'il est sur quelqu'un de stable? Bah écoute, le Gaëtan a 26 ans, il est plombier à Paris, il a quelques petites dettes, il a envie de les payer, j'ai un crédit sur la bagnole. D'accord, c'est bon à savoir pour Bruno l'année prochaine éventuellement, qui paye les factures. Et alors mon gaga, moi et mon tonton, est-ce qu'on est mariés en couple? Comment ça se passe? Non, pour l'instant je suis un grand célibataire, très content de l'avoir, un plan cul à gauche à droite. Oh bah ouais, comme ça. Et bien le note Gaëtan, il pose les bases. Il est bien. Ah. Voilà. Bon, tu veux t'excuser auprès de qui ce soir? Alors je vais m'excuser auprès de Julie. D'accord, qui est-elle? Alors c'est une, justement, c'est une chouette demoiselle que j'ai rencontrée en boîte de nuit. Et le soir, on a flashé, puis je l'ai ramenée à la maison. Oh, ouais. Et le problème, c'est que derrière, ça a été une catastrophe. Mais pourquoi? C'est-à-dire? On n'a pas réussi, on a essayé de coucher ensemble et rien. Un coup, j'arrivais pas à bander, le coup d'après, ça voulait pas sortir. Pas sortir. Ouais, d'accord. Ça a duré des heures. Moi, j'ai voulu la prendre en levrette. Je me suis un petit peu, loupé. Excuse-moi, Gaëtan, t'as aucune pudeur pour raconter ça à la radio? Non, parce que j'arrive. Alors, c'était le pire clan cul de ma vie. J'ai voulu la prendre en levrette. Bon, la meuf, c'est pas rentré. Faut que je te dise. J'adore. Non, mais j'adore. On partage tout. C'est bien, on fait de la radio ensemble. Bah, écoute, faut appeler un chat, un chat et un trou, un trou, quoi. Non, mais t'as raison. Et Gaëtan, du coup, tu veux t'excuser pour cette nuit horrible? C'est drôle. Voilà. C'est très drôle. Et éventuellement, t'aimerais la revoir ou comment ça se passe? Bah écoute, j'aimerais bien avoir une deuxième chance pour montrer que je suis pas complètement un tocard, quoi. Et c'était il y a combien de temps ça, Gaëtan? 5 mois. Ah ouais. Elle va peut-être pas te remettre. Ouais. Bah écoute, en attendant, j'ai pris de l'expérience à gauche, à droite, puis voilà quoi. D'accord. Bon bah écoute, on va voir ce que ça donne. C'est très étonnant comme je te demande pardon. Ouais, mais j'aime bien moi. On a jamais eu. Enfin, quoi que c'est sûr, elle va quand même se rappeler de toi. Bah oui. Bah j'espère. Enfin, pour une aussi horrible, j'espère. Ouais. Bon, on appelle Julie, Gaëtan, hein. Allô? Oui, allô, Julie? Oui, c'est qui? Oui, c'est Gaëtan, je sais pas si tu te rappelles de moi. Gaëtan? On s'est croisés en boîte de nuit il y a à peu près 5 mois. Ça avait bien matché tous les deux, t'étais venu chez moi, je sais pas si tu te rappelles. Oui, Gaëtan. Oui, voilà. Désolée, j'ai eu un peu de mal à te... Ah, si tu es là comme ça. Je m'attendais pas à ce que tu m'appelles, en fait. Oui, je me doute un peu. Et en fait, je t'appelle parce que je voudrais m'excuser pour cette soirée ignoble, quoi. C'était pas ignoble. Je veux dire, on a essayé 5 fois, j'arrivais pas à bander. Je veux dire, voilà, Il y a pire, j'ai connu pire, je t'assure, c'était pas si nul que ça. Hein. Ouais, mais moi, c'est la première fois que c'est un truc comme ça. Pourtant, en plus, t'es super mignonne, quoi. Et je veux dire, je suis vraiment désolé, quoi. C'était horrible. Non, mais t'inquiète, je te dis, j'ai connu bien pire. C'était pas si... C'était long, c'était agréable, mais... Agréable, non, je peux pas dire ça. Bah, ça dépend pour qui, ça dépend de quel point de vue, écoute. Non, peut-être, c'était une catastrophe. Non, moi, vraiment, je tiens à m'excuser parce que c'était catastrophique. Non, mais y a pas de souci, t'inquiète pas. Et justement, je t'appelle parce que voilà, depuis 5 mois, j'ai fait des progrès, j'ai fait des efforts, et puis j'aimerais bien avoir une deuxième chance pour te montrer que je suis pas complètement un toquin. Écoute, j'en suis persuadée, mais ça va pas être possible en fait. Et pourquoi ? Parce que depuis, j'ai rencontré quelqu'un et c'est sérieux, enfin plus ou moins, ça allait pour l'instant, donc j'ai pas envie de tout gâcher maintenant. Après, je doute pas de. Oui, apparemment, t'es pas tout seul. Non. Okay. C'est juste que voilà, je voudrais vraiment montrer que j'ai progressé. Ah, mais non, mais c'est pas du tout vendeur. Ça, non, ça, c'est pas possible. Gaëtan, on n'est pas en train de parler d'une course de fond. Non, mais Gaëtan, bon, ouais. Julie, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est le comité du sexe, on juge des performances de gens et on tenait à te dire que Gaëtan a été mauvais. Si, si. Non, on me présente évidemment, c'est Marion et Anso, tu es sur Fun Radio dans le Night Show. D'accord. Voilà, et tu viens de passer dans la rubrique « Je te demande pardon ». Donc effectivement, c'était original, mais il avait envie de s'excuser pour sa performance qu'il a jugée assez médiocre. Et en plus, il avait envie de te revoir parce qu'il avait bien kiffé ta personnalité, tout ça. Mais a priori, toi, tu es avec quelqu'un. C'est-à-dire que, bon, hormis le petit accident qui n'en était pas forcément rien, ça arrive à tout le monde, ouais. Ça allait bien, mais ça fait 5 mois, j'ai pas de nouvelles. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, quand quelqu'un me donne pas de nouvelles pendant 5 mois, je m'accroche pas, hein, je passe au suivant. Hein. C'est clair, t'as raison, non mais t'as raison. Mais attends, mais moi je me pose une question, mais Gaëtan, pourquoi tu t'auto-flagelles comme ça? C'est-à-dire que Julie, elle te dit, mais non, mais ça va, t'inquiète pas, si, j'étais vraiment une sombre merde. Mais arrête, parce que Gaëtan. Les femmes sont gentilles, les femmes sont complaisantes. Ouais. Elles essaient toujours de trouver des points positifs, alors que en tant que mec, t'es réaliste. T'es mauvais. Effectivement, mais les femmes, quand il y a une panne de temps en temps, effectivement, on est extrêmement compréhensive. Tu vois, ça peut arriver. 5 fois d'affilée, c'est plus une panne, là, c'est catastrophique. Ah, effectivement, oui. Oui, non, mais c'était pas si grave, elle en garde un bon souvenir. Malheureusement, elle est maquée, donc je pense qu'on va oublier. Si éventuellement ça se termine avec ce mec, Julie, tu rappelles Gaëtan, comme ça c'est une affaire qui roule. Voilà. Oui, il y a pas de soucis. D'accord. Et en tout cas, Gaëtan. Ouais. T'as été honnête, t'as fait un très beau je te demande pardon, donc c'est gagné, bravo! Hey merci les filles, franchement c'est super! Voilà! Tu en pars avec. Moi je partirai pas à vide! Voilà, c'est ça! Ouais. Tu en pars avec ton hoverboard et tu vas pouvoir faire plein de trucs sexuels avec! J'écoute, je vais essayer, je vais trouver une solution! Tu nous diras! Et toi Julie, t'inquiète. On t'embrasse! Oui, moi aussi! À bientôt! Bisous Julie, salut! Bonne soirée, bisous! La pauvre, elle va passer une nuit chelou après, elle va se dire, il m'est arrivé un truc bizarre! Gaëtan, on t'embrasse! Ok, merci les filles, bisous. Bisous. Dans quelques minutes sur Fun Radio, ça y est, ça va être le moment de parler Yonf avec vous tous et avec Anso surtout qui nous a inspiré le sujet de ce soir. Anso, elle a un objectif pour cet été, un objectif sexuel, on t'écoute. Je pars à Los Angeles en vacances cet été et j'ai envie de coucher avec un Américain. Voilà, j'ai envie de voir ce que ça fait. Voilà, elle s'est mis comme ça, une espèce de petit objectif à atteindre. Si vous aussi, vous avez des idées là pour cet été, on veut que du cul. 01 42 48 5000, on en parle juste après Sound of Legend, ça c'est tout nouveau et ça déchire. Ce son, je le verrais bien sur une série. Je sais pas, il m'inspire une série américaine avec de la baston et tout. Ah ouais, si je te jure. Alors, ne sois jamais productrice de série. Ça s'appelle Sound of Legend. Et justement, en parlant de série, le Game of Thrones du jour, c'est une tuerie. Pour ceux qui suivent, je sais pas si vous l'avez vu encore, mais il est tellement chelou, tellement différent des autres et tellement stylé. Je sais, ça te parle pas, Anso. Non, mais surtout, t'as remarqué qu'à chaque fois, Max qui fait des blagues dans le studio, il est comme un dingue quand tu commences à parler de Game of Thrones. Je vais pas te spoiler, Max. Je vais pas te dire que la personne est décédée. Non, je rigole, mais ça va, je vais rien dire. Juste, il est fou. Arrête! C'est pas tout. Pas de spoil. J'ai rien dit. Je voudrais qu'on fasse un bisou à Antoine qui est venu nous voir ce soir avec son tonton qui bosse à la radio. Bonsoir, Antoine. Bonsoir. Ça va, Bichon? Oui, et vous? Bah oui, ça va. Alors, il paraît que tu nous écoutes tous les soirs, toi. Ah, tous les soirs. Bon, t'es content d'être là, du coup? À mort. Il avait une dédie à faire à ses potos. Bah, c'est le moment. Alors, il est stressé comme pas deux. Il savait pas, il a répété. Alors là, c'est le moment, on t'écoute, vas-y. Allez. Vas-y, Antoine. Et bah, je fais une dédicace à tous les sixièmes du collège Saint-Joseph de Fouesnan. Ouais. Et à mes amis Cyriac, Damien, Aurélien, Marin. Et à mon frère Robin qui vous écoute tous les soirs. Oh, il a pas pu venir parce qu'il a encore école, Robin. Ah merde, il a quel âge, Robin? Il a quel âge? Il a 10 ans. Il a 10 ans, il va écouter le sujet cul, tu crois ou pas? On présente à Robin. Je pense. Bon, et on embrasse tes parents aussi. Merci qui t'ont laissé la possibilité de venir ici. Ils sont bien sympathiques. Oh, on embrasse Benoît aussi, le tonton Benoît, qui est quand même sympathique comme tout. Bisous, un amour, il filme, il est là, c'est trop mignon quoi. Oh oui, écoute. Bon, reste là Antoine, puisqu'on va parler cul avec Anso et avec tout le monde. Ah, ça j'aime bien. Anso, elle s'est fixé un objectif pour cet été, parce qu'elle part à LA, elle a cette chance de ouf de partir là-bas avec ses copines. Ouais. Et du coup, tu veux faire quoi, te taper un Américain? En fait, je pars avec trois copines célibataires. Et toutes les trois, on s'est dit, quitte à aller aux États-Unis, parce qu'on va pas y aller toutes les 5 minutes, quand même, globalement, ça coûte un peu d'argent. Donc, on a décidé de au moins galocher un Américain, au moins de sortir avec un Américain. Bon, l'idée, ce serait quand même d'aller un peu plus loin. Ah oui, tant qu'à faire. Mais voilà, c'est l'idée. Parce que je me dis, je vais pas en croiser toutes les 5 minutes des Jackson, des Chase ou des Derek. C'est vrai, ça. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et c'est quand même la classe ou pas de dire, hey, moi, j'ai eu une aventure avec un Mason. Ouais, mais alors, ça veut dire que si t'as par exemple un mec qui s'appelle. Arnaud, voilà, qui est là-bas, qui a des origines américaines et tout, qui est canon de ouf. Tu vas pas y aller parce qu'il s'appelle Arnaud. Si, s'il me montre ses papiers et qu'il me présente ses parents. D'accord. Ok, et tu nous tiendras au courant, je veux savoir si tu y arrives. Évidemment, je fais un snap. Bah oui, tu fais un snap pendant, avant, après. Et vous, vous nous dites là au 01 42 48 5000, quels sont vos objectifs sexuels cet été? Alors, c'est pas forcément comme Anso, se taper de l'étranger ou quoi. Ça peut juste être, je sais pas, moi, faire un plan à 3, découvrir un nouveau truc, tester une nouvelle pratique. Dans l'équipe, vous avez des objectifs ou pas pour cet été? Mais comment? Comment? Eh ben Amir, tu seras le premier à passer sur le grill, ok? On revient tout de suite sur Fun. People of Tomorrow. Fun Radio vous envoie au plus grand festival. Tomorrowland. Tomorrowland. Salut, c'est David Guetta. Hey, this is Dimitri Vegas and like Mike. Rendez-vous. See you at Tomorrowland. Dès que vous entendez Dimitri Vegas and like Mike, mixé avec David Guetta. Soyez le plus rapide à appeler Fun Radio. 3228. Et vous partez pour 3 jours de fête à Tomorrowland. Tomorrowland, how are you feeling? La radio des DJ et des meilleurs festivals. This is Fun Radio. 3228, service payant 50 centimes d'euros par minute plus prix d'un appel. Emmenez Fun Radio partout avec vous avec l'appli Fun Radio sur iPhone. Fun Radio ouvre sa boutique officielle. All we need to start is le shop. Rendez-vous sur funradio.fr pour découvrir en exclusivité la collection complète de t-shirts, sweatshirts, mugs, coques et autres accessoires aux couleurs de Fun Radio. Fun. Mais c'est énorme. Vous ne les trouverez nulle part ailleurs. Alors passez en mode fun maintenant. Maintenant sur funradio.fr/shop. Come on. Fun Radio. Hi, I'm Calvin Harris. Hi, this is Rihanna on Fun Radio. Fun Radio. Fun. Le son dance floor. When the leaves turn brown, I watch them burn across the sun and above the clouds. Sirens clear, I'm ready to fall and find a lover that was meant for me. When the wolves run wild, I see myself, but you won't take this road I go down. down, the nights grow cold, the flame goes out, living forever in a ghost town. You save me, I save you, a miracle that was meant for two. Et les 23h50, effectivement, on va parler cul avec Anso qui a son objectif de l'été, se taper un Américain. Ouais. On vous posait la question, là, c'est quoi votre objectif sexuel à vous? Alors même si vous aviez rien de prévu, il faut en trouver un là. On nous appelle 01 42 48 5000. C'est toujours bien de se mettre comme ça des objectifs, c'est un peu comme les bonnes résolutions, sauf que là c'est l'été et ça concerne le cul. Voilà. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Bon, du coup, on était censé demander à Amir et comme par hasard, il a fui le studio. Quoi, ouais. Mais il est où, Amir? Je sais pas. Il est parti, mais il y a des problèmes en ce moment en rapport... Ah, il est là. Amir, il est là. Pourquoi t'as fui comme ça? J'avais soif. Alors, d'accord. Ton objectif... C'est qu'on bosse là ou pas? Ton objectif sexuel pour cet été, c'est quoi? Eh ben, mon objectif sexuel, c'est d'être très amoureux. C'est nul. C'est nul. C'est pété, quoi. Ouais. T'as pas d'objectif? Un objectif sexuel, c'était... Si j'en ai un mais... Bon, réfléchis encore Amir, on va demander à Mano en attendant. Mano, le tien c'est quoi? Moi c'est le faire partout où je vais aller en vacances, voilà quoi. Ah, genre tester plein d'endroits et tout quoi. Ouais, partout où je vais y aller, sachant qu'il va chez ses grands-parents. Truc trop glauque. Et puis des endroits où je vais avec ma copine hein, évidemment. Oui oui, bah, ouais. Sinon, avec. C'est gênant. Ouais, c'est ça. D'accord. Mais genre quoi, la plage, la piscine Ouais, le salon, la cuisine à Paris, ouais, à Paris okay. Dans mon appart. Ouais, d'accord, OK. Mec, bouge pas quoi. Vachement bien quoi. Toi Marion, c'est quoi? Alors moi honnêtement c'est juste retrouver un rythme normal parce que je vous cache pas qu'avec cette fin de saison et cette fatigue là je suis sur une baisse de libido mais alors totalement petite forme de la personne mais l'été je sais que ça repart en flèche tu vois. Ouais, l'été tu te transformes en chaudasse quoi. Bah oui mais si l'été t'as plus de contraintes, tu te couches à l'heure que tu veux, t'es yam tout le temps donc c'est complètement différent mais tout le monde est comme moi, la fin d'année est toujours un peu difficile à part toi parce que toi tu fais tellement peu de fois que bon. C'est vrai que toi Anso t'es vraiment une meuf extraordinaire, t'as une libido mais c'est du tonnerre. Mais parce que moi je suis célibataire donc oui. Forcément. Moi, quand il y a un mec et que je suis bien avec quelqu'un, j'en profite parce que je sais que ça dure jamais longtemps. Voilà. Ah oui, elle a raison en même temps. J'optimise, c'est tout. C'est bien. En tout cas, mes parents vont encore être très ravis. Ah, ils écoutent là. Ouais, bah je pense. Ouais. En ce moment, c'est un festival. Il y a Mickaël de Cavaillon qui nous a appelé au 01 42 48 5000. Bonsoir, Mickaël. Bonsoir. Ça va, Mika? Salut. Ça va, tranquille. Ouais. Alors, c'est quoi ton objectif sexuel à toi pour cet été? Alors moi, mon objectif, c'est de me taper des petites mamans. Des petites quoi? Des petites nanas. Des petites nanas. Non, des petites mamans. Ah, des mamans. Des mamans. Ah, pas mal. C'est-à-dire des cougars, quoi. Ouais, voilà, 35-40 ans. La perf. Ah, des milfs. Et pourquoi, en fait? C'est un truc qui t'a toujours fait kiffer ou c'est juste là pour cet été? Tu t'es dit go? Ben non, c'est un fantasme. Je sais pas, j'ai toujours voulu faire ça, puis je l'ai fait. Ah ouais. Et tu l'as déjà fait donc? Ouais, ouais, je l'ai déjà fait. Et alors, c'est vraiment mieux? Ouais, c'est excellent. C'est le feu. Il en peut plus, quoi. Ça, c'est le côté expérience, femme libérée, femme mature. Ouais, on est d'accord. Voilà, ça fait une oh là là. Et tu pars où en vacances cet été, Mika? Je sais pas où je vais partir, où je partirai, j'essaierai d'en trouver une. D'accord. J'ai l'impression que le gars prend tout, quoi. Ouais, du moment clair. Qu'elle a 40 piges. Bon, ouais. Eh ben, tu nous racontes si t'y arrives. Hein. Ouais, tranquille. Et tu mets des capotes, Mika? Ouais, on va essayer. Attends, on va pas essayer, on va le faire, Mika. Ouais, on déconne pas. Envoie, Mika, jure-le. Tu vas mettre des capotes. Voilà, je mets des capotes. C'est bien. On t'embrasse, Mika. Bisous. Bisous. Ciao, ciao. L'équipe, on va se faire un déjà fait, jamais fait spécial été. Vous me dites, vous êtes sincère, ok? Pas de mytho. Ok. Ok. Déjà fait, jamais fait, mater des meufs ou des mecs à la piscine. Oui, tout bah, le monde. On l'a ouais, fait pendant ouais, la base, la base. À Ibiza, on n'a pas arrêté. Se taper un saisonnier ou un animateur de vacances. Déjà fait ou pas? Non, jamais fait, moi. Non. C'est vrai? Non. Non plus. Ah, moi j'ai déjà fait, je crois. Ça m'étonne pas, toi. Ouais, non, ouais. Ouais, mais franchement, en général, ils sont beaux gosses. Ils sont là un peu pour ça, ils draguent tout ce qui bouge, donc c'est facile de se faire avoir. Moi ouais, j'étais d'accord. Saisonnier, moi, à une époque. Ah, et t'as pécho, toi? Ah, bah ouais. Et tous les saisonniers pécho. Ah bon? Ouais, tout le monde. Et t'as passeport tout le monde. Et t'as pécho comment? Genre tu faisais le DJ, tu faisais comment tu les draguais? Bah je mixais et puis l'après-midi en fait je faisais du sport, j'étais animateur sportif. Et du coup bah c'était hyper simple d'approcher les gens. Mais surtout que c'était dans un village vacances. Et pourquoi tu rigoles toi? Je rigole pas. Animateur sportif. Bah, j'étais en STAPS, j'étais d'accord en licence de sport okay, donc du okay, coup. Okay. Et puis bref, vous êtes jalouse de toute façon. Non mais c'est non, bien Amir, on est fiers de toi. Ouais super. Choper quelqu'un juste pour un coup en été. Déjà fait oui ou pas? Les garçons? Non, je crois pas. Mais Mano, toi, de toute façon, il n'y a rien fait. Bien sûr. Un bain de minuit à poil. Ouais. Déjà fait ou jamais oui fait? Bien sûr. Moi, à poil, ah, j'ai pas le souvenir. Hein. Et on rappelle quand même que les garçons devaient le faire à Ibiza, là. Enzo, Mano et Amir, ils l'ont pas fait. Oui, c'est donc moche. Ça va se payer, ça, avec un gage. On peut pas le faire à Paris. Hein. Bah, si, on a pensé avec Enzo à une fontaine à Rose dans Paris. Oui, mais interdit. Non, mais là, on finit en garde à vue. Et alors, c'est interdit qu'ils soient à foutre, nous? Vous avez qu'à le faire? Non, tu peux pas, en plus, en état d'urgence et tout, tu peux pas. Ouais. N'importe quoi. On va réfléchir, Amir. Coucher avec un étranger pendant l'été, vous avez déjà fait ou pas? Ouais. Ah non. Moi non. Non, moi non plus. Amir, t'as déjà fait? Ouais. Quelle italienne. Ah oui, c'est vrai, elle parlait pas français et tout. Ouais, ouais, elle était pas folle. Enfin, elle était pas dingue. Et hein, est-ce que quand elle faisait l'amour, elle parlait en italien? Non, mais elle avait un petit accent italien quand même. Ouais, c'est sexy ça. Coucher sur la plage. Ouais. Oui. Ah ouais, alors c'est à ne jamais faire. Jamais. Ah si, si bah moi, non. Jamais. Non, non, bah, non. Moi non, je l'ai fait pour ma première fois, ça m'a pas traumatisé, non, c'était mais, charmant. Alors hein, faites-le, mais emmenez des serviettes, des foutas, tout ce que vous voulez. Bah mais oui. Pas, faites-le pas sur le sable comme ça. Une galère. Ah. Coucher dans une piscine. Ça marche pas. Non, une baignoire. Non, non, une piscine jamais non plus, j'aurais peur du chlore. Ouais, moi aussi. Puis c'est pas pratique, faut pas faire l'amour dans l'eau. C'est se mettre des churros dans le vagin. Non. Jamais fait l'équipe. Non. Ah bon. Mettre son zizi dans un beignet. Éventuellement. Jamais fait l'équipe. Non, non. Ah, c'est un festival. Petit objectif pour cet été, ça peut me faire marrer. Ouais. Et après, tu fais manger le beignet à quelqu'un. Bon, et bah, voilà. Écoute, je te laisse tous ce genre de défis. Merci. Il y a Elia de Lyon qui nous a appelé là. Bonsoir Elia. Salut les filles. Salut l'équipe. Salut. Comment ça va? Ça va bien, merci, et vous? Super. Très bien, dis-nous, c'est quoi ton objectif à toi? Eh bien, écoute, moi, c'est de passer le cap de la sodomie. Ah, intéressant. Cet été, donc, t'aimerais le faire? Voilà, ouais. Et tu l'as jamais fait encore? Jamais, non, et de préférence avec, on va dire, le coup d'un soir que je reverrai jamais, au cas où ça se passe très mal et que j'ai pas envie d'en garder un souvenir. Alors moi, je suis pas tout à fait pour. Hein. Je pense que ça, c'est un cap qu'on passe avec la personne avec laquelle on est bien et en qui on a confiance. Mais ça dépend parce que moi, je préfère faire cette fois d'essai avec quelqu'un que je reverrai jamais, tu vois, et éventuellement repratiquer après avec quelqu'un avec qui ce sera plus régulier. Mais pour la toute première fois, ouais, non, je préfère. Ça se tient. Ouais. Voilà. Si t'es prête et que tu le sens et que t'es en confiance avec la personne, pourquoi pas? Après, voilà, moi je suis un peu c'est de ça, la vie. Écoute, ça se verra dans le feu de l'action, on va dire. Tu verras, mais te force pas en tout cas, hein, faut le sentir. Oui, non, c'est sûr, je vais pas. Mais ouais, c'est l'objectif. Et comment ça se fait que tu l'as jamais tenté avant si t'en avais envie comme ça? Bien sentir. Non, écoute, je sais pas, jusqu'à présent j'y avais jamais pensé plus que ça et puis. Ok. Voilà, je me suis dit, allez, c'est l'occasion. Petit objectif. Eh ben, on veut tout savoir. Tu nous tiens au courant, un petit snap, ça passe bien. Genre, sodomie, check, tu vois. Merci de nous avoir appelés. De rien, bisous. On t'embrasse, Elia. Il y a Kevin aussi de Tours qui est avec nous. Bonsoir, Kevin. Salut. Ça va, Kéké? Savez-vous? Yo mon pote. Ouais, très faut bien. Arrêter avec le son de Kéké dès qu'on a un Kevin à l'antenne. Je sais pas, ça réflexe. C'est pas possible. Dis-nous, Kevin, c'est quoi ton objectif à toi? Bah, alors moi, mon objectif, c'est de gérer la sœur de mon meilleur pote. Ouh. De coucher avec quelqu'un. Mais t'es un bâtard, toi. Bah, pourquoi? Bah, c'est sa sœur, c'est pas sa meuf ou... Oui, mais c'est la sœur de son meilleur pote. Et ouais, enfin, ça va. Ah, mais alors? Bah après oui, c'est sûr que si tu la tèches direct après, que tu la respectes pas, c'est chaud quand même, c'est ton pote hein. Bah tu vas juste la baiser. Bah ouais. Ah voilà. Ouais, mais après si elle est consentante et qu'elle est dans le même délire, ouais. Oui, pas. Mais d'un point de vue ouais. Ah oui. Ah mais l'autre c'est comme ton frère, c'est ton meilleur pote, tu lui fais pas ça. Bah et alors? Bah c'est le respect de sa famille, Marion, mais voyons. Mais si la sœur elle a envie de ça et qu'elle s'en fout et qu'elle est pas malheureuse. Oui, mais surtout, pour son meilleur pote, tu fais pas. Alors surtout toi Marion et moi on a un point commun, c'est qu'on a toutes les deux un grand frère. Oui. Moi le meilleur pote de mon frère, il s'est passé déjà plein de trucs avec lui parce que c'est hyper excitant. Ah non, moi jamais hein. Ah bon, t'as jamais été attiré par le meilleur pote de ton frère? Impossible. T'es seul là. Ouais. Impossible. Mais alors, il s'est passé quoi comme truc? Non, mais genre, on était un peu jeunes, j'avais genre 18 ans. Lui, il était un peu plus vieux. Ouais. Et voilà, on s'est un peu touché, on s'est un peu roulé des pelles et tout. Tu vois, il l'a su, ton frère? Ça. Il l'a su, mais bien longtemps après. Kevin, par contre, si ça se passe, tu le dis pas tout de suite à ton pote, hein? Non, mais je pense des fois, même des fois quand je vais chez lui, tu vois, il y a des petits regards et tout ça entre nous, tu vois, donc c'est... Ouais. Ah mais c'est horrible. Oh là là. Bah, et sinon, il en parle à son pote justement en mode. Non, bien, mais ça va pas. Tu dis pas à ton pote, j'aimerais bien coucher avec ta sœur. Peut-être qu'il est ouvert. Mais non, mais n'importe quoi. Attends, mais c'est attends. Comme si il baisait avec son frère. Bah, après, on peut lui demander ce qu'il en pense si je passe des trucs avec sa sœur ou quoi. Mais c'est ça, parce que moi, si jamais j'avais une copine, tu me dis, j'aimerais bien faire un délire avec mon frère, mais je te dirais, mais fonce, ça m'éclaterait quoi. Mais c'est bon, c'est pas un fragile, tu vois. Moi aussi. Cela dit, moi aussi, quelqu'un voulait coucher avec mon frère, enfin, quoi que là, il est maqué, mais. Oui, sinon, moi aussi, mais sinon, dans une vie fictive, franchement, ça me dérangerait pas du tout. Moi non plus. Voilà. Nous, on est plus ouvertes, les nanas. Mais c'est dingue, comme quand dès qu'on parle fion, vous êtes tous fermés là dans le studio, les gars. Ah là là, mais les mecs, là, c'est juste que moi, avec mes potes, je les considère du coup un peu comme mes frères, mes meilleurs potes, mais j'en ai pas mille des meilleurs potes. Mais par contre, leurs sœurs, même si c'était les plus belles du monde, ils toucheraient pas. Mais si ça les dérange pas, qu'est-ce que t'en sais? Mais c'est pas une histoire de ça les dérange ou pas, c'est que ça ne se fait pas. Mais surtout que pour elle, toi, elle te voit pas comme un frère, enfin. Là-bas. Ça donne sens. Mais non, mais par rapport à mon pote, oh toi, oh! Et du coup, Kevin, parle-en avec elle, parce que si elle veut un coup d'un soir et que vous avez envie de vous éclater tous les deux, pourquoi pas, hein? Ouais, bah oui, surtout l'été et tout ça. Ouais. En plus, on part en Portugal, donc. Ah bah oui, le Portugal, c'est forcément bien connu. donc voilà quoi. Bon, et pareil, tu nous racontes, on veut savoir hein, si t'as réussi. Mais je fais un snap carrément, je vous envoie le snap. Ouais, ça marche, non, n'abuse pas, là, c'est pas très respectueux. Hein. On t'embrasse, Kevin. Allez, ciao. Bisous. Ciao, pépère. Bon, j'ai envie de te demander quand même à toi si t'as un objectif sexuel pour cet été ou pas. Dis-moi tout. Pépère, lui, son objectif, c'est de faire comme ta première fois à toi. Hein. Dans un club Mickey? Bah non, de le faire avec un mineur. Oh ouais. Non, mais non, mais j'ai jamais fait avec un mineur, moi, Pépère. Non, mais avec un mineur, peut-être quelqu'un qui travaille à la mine. Mais non. Non, un mineur, quelqu'un de très jeune. Ouais, c'est ça, quelqu'un qui travaille à la mine. Ouais, ouais, voilà, c'est ça, quelqu'un qui travaille à la mine. D'accord. Et puis quelqu'un qui taille les mines de crayon. Voilà. Et qui paye pas de mine aussi. Merci Pépère. Mine de rien, c'est vrai. C'était dur. Bon, bonsoir Mikosé. Salut, comment ça va? Bah, ça va et toi? Alors, on comprend pas parce que normalement le lundi c'est Adrien Thomas qui revient. Qu'est-ce qui se passe? Il est resté à Ibiza? Je sais pas, il a fait une insolation peut-être, je ne sais pas. On va l'appeler? Non. Ah oui, non, mais ouais, on peut l'appeler. Ouais, laisse-le dans son truc là-bas. Mais il est malade, il a un truc. On est inquiet. Pas moi. Je sais pas. Bon, en tout cas, c'est toi ce soir. Du coup, on est obligé de te poser la question. Est-ce que tu as un objectif sexuel pour cet été ou pas? Mais c'est sûr, il en a un. Allez, on va. Oui et non. Pas un vrai objectif, mais un petit objectif. Ah, vas-y, balance. L'été, il y a moins de monde dans la radio et c'est chouette quand tu ramènes ta copine d'essayer des. Pas mal. Des locaux ou des pièces. Pas mal, je valide. Et le bureau du boss, j'ai pas fait encore. La rédac, la terrasse, la cafette. Oui, mais le bureau du boss. Toi aussi, mais en fait, tout le monde a couché dans cette radio. Mais cette radio, elle est souillée, mais c'est pas possible. C'est un truc de ouf, quoi. Normal qu'ils aient déménagé, les mecs. Ouais. C'est vrai, en plus, on déménage. Les nouveaux locaux. Bon, il y aura les nouveaux locaux à essayer aussi, les gars. Bon, alors. Vous m'angoissez. Bon, on sera de retour en direct demain à partir de 22h. Demain, énorme émission, puisqu'on recevront Kinvé avec Glory pour leur nouveau titre. Si tu me laisses la première place, celle qui te faut. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à marion@anso@funradio.fr. Je sais que vous êtes déjà très nombreux, on essaiera de faire passer tout le monde. Et on va essayer de se faire un qui sera le meilleur Kinvé. Donc si vous savez chanter, il y aura des cadeaux à gagner. marion@anso@funradio.fr. Il suffit de faire des petites autres reprises de Kinvé, comme ça on se marre ensemble quoi. Pour mater nos vidéos, deux chaînes YouTube, Marion et Anso Gaming et Marion et Anso tout court. Et puis on va se quitter en chanson. Allez, est-ce qu'on était content d'être là? Ah. On était content d'être là. Merci beaucoup. Safe distance from receiver and speakers is strongly recommended. Party. Party. Fun. Dance. Electro. Miko C. Mix. Party Fun. Party Fun. La première émission Dance Electro de France. Et ça se passe comme ça tous les soirs, c'est en direct, juste après le night show. 22h minuit, on est là minuit 1h. On termine la journée avec Party Fun. Si vous voulez choisir des sons, n'hésitez pas. Hashtag Party Fun sur les réseaux sociaux, on va se faire plaisir avec du Cigala, avec du Nils Zanzan dans le quart d'heure. Il y aura Just a Man, grosse nouveauté. Pépère, viens, viens mon pépère. Tu vas annoncer le premier disque. Ouais, c'est qui? Des euros. Ah ouais. Alors vous êtes sur Fun Radio en direct avec Miko C, les gars. Ouais, c'est pas rien. Et là tout de suite c'est 10 euros. On enchaîne plus de combien de minutes? À peu près Une heure et demie. Il n'y a pas de pub la nuit. Ah oui, c'est vrai, désolé. Bisous tout le monde. Welcome on board. Welcome on board. C'était venu pour ça à la base. Hein. Welcome on board. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, vamos. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Mueve, dale, vamos. Vamos a bailar esta noche. Fun Radio. I can't stay anymore. Many mistakes you can't understand. Feeling pain deep in my soul. Gotta heal me. I cannot pretend. No, I'm sorry. you like I could. Stop your searching around. I can't do this anymore. So give me your love. Won't you give me your love? Sur Fun Radio. Bienvenue tout le monde, c'est le son de Party Fun sur direct sur Fun Radio, je m'appelle Mico C. On passe une heure ensemble tous les soirs avec vos morceaux préférés sur Fun Radio. Excellent Grosso arrive, le nouveau Major Lazer avec Boom. Et le morceau qui arrive, c'est un petit peu mon coup de cœur du moment. Deux jeunes DJ producteurs français, ils sont en Aix-en-Provence, ils sont du sud de la France. Et ça nous fait déjà un point commun et ça c'était plutôt cool. Et le morceau est une petite merveille, on va s'écouter. Maintenant, vous découvrez Lion dans Party Fun. Montez le son parce que ce morceau est un future tube, vous allez danser là-dessus tout l'été. Lion, c'est mon petit coup de cœur. C'est Party Fun, montez le son. Standing on a lonely road, take a breath, waiting for a sign. Something that would give me hope, cause the curves make me feel so fine. Oh, I won't stop, my dreams are about you and I don't want to wake up now. Now I can't stop thinking of your body above me for the rest. stuck with mine. Something that attracts my sound of fear. Can you feel the sound?